Alors, Lan ? Oui. Oh non, j'aime pas cette chanson. J'aime pas ça. J'ai mon cœur qui bat. C'est bien, c'est que t'es en vie. C'est bon signe. Tu m'aurais dit, j'entends plus rien. Orlan ? Oui. Ça n'est pas l'enveloppe à 2 euros. D'accord. Tu viens d'ouvrir l'enveloppe à 2000 euros. Oh 2000 euros, ma chérie ! Oh 2000 euros, Orlan ! Oh, je trouve la Castafiore, 2000 euros. Voilà. Fais attention, pas trop d'émotion. 2000 euros qu'on va te... Respire, souffle. Je te fais un gros bisou, Orlan. Je t'offre les 2000 euros. Merci, quoi. Merci toute l'équipe. Merci, je te fais un gros bisou. Fais attention, joyeux Noël et plein de bonheur, d'accord ? Joyeux Noël à vous. Des bisous. Une bande de ouf enfermée dans un studio vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est le Before de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Merry Christmas, everyone! Nouvelle émission, c'est bientôt Noël et c'est pour ça que je vais encore essayer de vous offrir, comme vous l'avez entendu pour la demoiselle qui a gagné hier, je vais essayer de vous offrir le plus d'argent possible, jusqu'à 10 000 euros à gagner, 7, 10, 12 par SMS en mettant Koé au début de votre message et vous pouvez vous aussi les gagner. J'ai mis une enveloppe évidemment à 10 000, une à 200, une à 2 000 aujourd'hui, une à 500, une à 2 et une à 1 000 euros. Deux. Vous me trouvez deux. Oui, parce que je pense que si un jour on l'offre, on dira tu as gagné 2. Je crois que je ne mettrai pas plus d'émotion ni de sentiments dans cette histoire. Plein de choses, mais d'abord je voudrais vous dire un grand merci parce que Pure Media, qui est un site internet que vous connaissez peut-être, qui a fait un sondage il y a pendant 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Deux semaines sur les radio notes. J'essaie de tout dire de tête hein, sur les meilleures émissions de radio, etc. Et les meilleures radios. Énergie a eu un prix. Emeric a eu un prix à Énergie, ça fait 2. Mmh. Et nous avons été dans le divertissement. Nous avons gagné le divertissement de l'année. Ouais, face à des gens de qualité. Et je les salue parce que je me moque tout le temps de la concurrence, vous le savez, mais quand même derrière nous, il y avait les grosses têtes, il y avait les émissions de France Inter. Oui, il y avait Europe 1 avec des stagiaires. Il y avait quand même du lourd et vous nous avez choisi, vous nous avez mis loin devant tout le monde, numéro 1. Alors je vous le dis sobrement. Merci. Sobrement parce que j'ai failli mettre une fanfare en dessous réel. Mais je voulais tirer un feu d'artifice, on m'a dit 17h on voit rien. Alors j'ai dit d'accord. Merci Française, Français, vous qui avez voté, sans oublier les dom-tom que je salue, et vous qui avez voté, qui nous écoutez avec l'appli Énergie partout dans le monde, merci. Merci à vous. C'est grâce à vous que nous prenons humblement cette récompense. Et de meilleur divertissement de l'année. Bon, c'est bon, on arrête quand même. Mais merci à vous tous. Voilà, je vous le dis très sincèrement et je vous applaudis. Merci beaucoup. Merci à vous, ça nous a fait très très très plaisir. Nous allons dans l'émission parler des champions du monde de l'actu. Oh, sommes-nous dedans ? Avec beaucoup d'argent de perdu dans les champions du monde de l'actu. Dans l'actu de tout court, des nouvelles des Français du sexe avec la dernière moyenne, les derniers chiffres qui viennent de tomber. C'est scientifique. Christina Cordula est française. Oui, ça y est. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous aurons tout à l'heure, ah oui, nous ferons un téléphone trottoir, je vous expliquerai pourquoi. Nous aurons le top 5 des recherches Google en France, c'est-à-dire les 5 recherches qui ont été les plus faites en 2018. Nous aurons les pires braqueurs de Noël, un classement là aussi des top 5 des mecs qui ont décidé de braquer le soir de Noël mais qui sont très cons. Nous aurons d'ailleurs, en parlant de ça, le Père Noël en live tout à l'heure. Je le dis pour toutes les mamans qui ont les enfants à l'arrière, le Père Noël sera tout à l'heure avec nous et répondra à 2 questions d'enfants. Jusqu'à la fin de la semaine, nous aurons le Père Noël avec nous. Non, ça c'est pourri comme imitation. Ce sera le vrai Père Noël. Nous aurons la compile des pompiers en détresse. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque en 10 ans, les agressions de pompiers ont été multipliées par 3. Ils sont là pour sauver les gens en cas de problème et ils se font de plus en plus caillasser, de plus en plus agresser et n'osent plus intervenir dans certains endroits et on les agresse alors que, voilà, que je puisse comprendre que des gens en aient contre les forces de l'ordre éventuellement. Ça peut être un combat, mais les pompiers, je n'ai toujours pas compris cette connerie, comme quoi il faut vraiment être idiot. Donc nous en parlerons tout à l'heure et nous penserons à eux. Le Zap Télé de Mico, il y aura quoi dedans ? On aura de la télé-réalité, on parlera de boules et puis on aura des news de Francis Lalanne. Et nous reviendrons aussi sur le dossier du sapin de Noël tout pourri. À 18h, nous en parlerons avec un document exclusif. Restez avec nous et nous reviendrons sur les enfants de la vérité. 0870 42 48. Appelez-nous. En gros, c'est votre enfant qui joue. Nous posons des questions aux parents avant. Nous reposons les questions aux enfants. Si les petits ont la même réponse que les parents, il y aura à gagner quoi, Stouff ? Une PS4. 0870 42 48. Deux petites infos très rapides. Je suis très content pour lui. Sa vidéo vient de passer aujourd'hui 11 millions de vues. Il était avec nous lundi, on vous met le live dans quelques minutes sur ma chaîne YouTube. À 18h, voilà, ce sera, il y aura, ça c'est la vidéo officielle, nous allons faire la vidéo officieuse. Comme Johnson, voilà, donc je suis très content pour lui, c'est bien non? Puis en plus, il va ressortir sa chanson au mois de juillet. Pourquoi? Bah évidemment, avec le Tour de France. Maillot jaune! Maillot jaune! Maillot jaune! Maillot jaune! Ça marche partout, ça, bien sûr, évidemment. Ça va cartonner. Et puis slip jaune, on pourra le faire aussi. Évidemment, mais si ça passe, une bon. Et puis alors une info. Est-ce que vous connaissez? J'ai son nom. Moi, je ne le connaissais pas. Paul Vanier, porte-parole de la France Insoumise. Ah, je connais pas. Vous savez que la France Insoumise, c'est le côté Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon et ses amis disaient oui, le gouvernement emploie toujours des mots au-dessus des autres. C'est la vrai. Bande à Macron utilise des mots que les autres ne comprennent pas. Et la France Insoumise a dit nous, on est comme le peuple. Eh bien alors là, il y a une déclaration. Je dois dire que très honnêtement, la prime que propose M. Castaner est comme un affront, je crois, fait à la police. C'est une goutte d'eau pour vous ? C'est un affront ? C'est surtout une façon de la considérer d'un certain point de vue comme une milice privée, comme si les policiers attendaient d'être stipendiés. Pardon ? D'être en slip. Comme si les policiers attendaient d'être stipendiés. Stipendiés. Alors je vais être honnête avec vous. Je n'avais jamais entendu ce mot stipendier. Moi non plus. Dans quelques minutes, le téléphone trottoir, nous avons appelé des gens au hasard en France pour leur demander s'ils savaient ce qu'était stipendier. À mon avis. Même nous, on ne sait pas. Je pense ça que peut... beaucoup de gens ne savent pas. Je vous le dis, je vous donnerai la signification aussi dans un instant. Présentation de l'équipe. Allez, on fait vite, on dit bonjour à tout le monde. On commence par notre réalisateur aujourd'hui parce que j'ai une équipe épanouie. Ouais, ils n'ont besoin de quasiment pas grand chose pour être heureux. Lui, pour être heureux, n'a besoin que de sa PS4 et d'avoir un bar qui fait happy hours toutes les minutes à côté de chez lui. C'est Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. Lui n'a besoin que de coca et d'une pizza pepperoni livrée tous les jours à 19h et finie à 19h05. C'est vital pour lui, c'est Nico. Bonsoir, c'est vrai en plus. Notre productrice, elle n'a besoin que de son abonnement à la chaîne Free Fight TV et deux stagiaires sur lesquels elle peut refaire ce qu'elle a vu sur cette même chaîne. Stouff qui est avec bonsoir. Nous. Mon Jeff, lui, a besoin de très très peu pour être heureux. Juste un kebab et ne surtout jamais être à proximité immédiate d'un club de sport. C'est mon Jeff. Et enfin, notre Bordas, lui, n'a besoin de trouver un bon hashtag par jour pour être le plus heureux du monde. Voilà, c'est pour ça qu'il est jamais malheureux. Il n'en trouve jamais de bons hashtags. Mais il fait comme il peut quand même. Ça va, mon Bordas? C'est quoi le hashtag bien. Du jour? Alors, ce qui m'a fait rire en 2018. Eh oui, on fait un petit récapitulatif maintenant à partir de là, puisqu'on est dans le divertissement. On a été divertissement de l'année. Oui. Ce qui m'a fait rire en 2018, c'est le hashtag du jour, amusez-vous sur Twitter. Voici The Prince Karma. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. shitting this out loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Est-ce que je le mets samedi soir dans Extravadance by Koé? Samedi soir, je donne rendez-vous à 21h sur Énergie pour le Extravadance que je vais donc réaliser, mixer, produire, animer. Je vais le mettre dedans. Si, je vais le mettre dedans, ça va être un plaisir et je suis très très content d'être là. Est-ce que toute l'équipe va bien? Oui, ça va. Bon, moi aussi, ça va très bien. 7-10-12 par SMS. Mettez Koé au début de votre message. Laissez-nous votre SMS et je vous offre peut-être 10 000 euros dans un instant. Merci encore pour le divertissement de l'année. Oh, merci. Que veut dire ce mot? Comme si les policiers attendaient d'être stipendiés. Stipendiés. Le téléphone trottoir arrive dans un instant avec une aventure exceptionnelle qui est arrivée pendant le téléphone trottoir. Le principe, on a appelé des gens au hasard pour leur poser des questions et vous allez voir, il est arrivé quelque chose à quelqu'un qui a répondu. Ah merde. Non, il est pas mort, hein, pas d'accident. Non. Eh bien, je pense que. Allô. Le train de 1622. Non, je vous assure, ça se passe. Stipendiés. Pour ceux qui ne savent pas. C'est donner de l'argent, recevoir de l'argent pour faire des basses besognes. Ah, ça veut dire okay. Ça, être stipendié. Ah oui, bah, mais arrangé pour ce que c'était. Pour boire. Allez, champion du monde de l'actu, on y va. Premier champion du monde. Lundi soir, un homme a fait un malaise et se plaint de douleur au thorax. Les pompiers arrivent et là, l'homme les insulte, leur crache dessus avant de se jeter sur eux pour les frapper. L'homme avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang et devant le juge du tribunal, il a déclaré cette phrase magique. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, je m'excuse, voilà. De toute façon, même pas, je me rappelle. Elle est belle cette excuse, non? Sympa. Et le juge, il lui a répondu: ah bon, bah, même pas tu ressors, même pas tu réponds, même pas tu revois ta famille avant un an ferme. Merci, à bientôt. Et c'est vrai en plus, un an il a pris. Deuxième champion du monde, ce sont les portes. Oui, sur une autoroute du New Jersey, les portes d'un fourgon blindé se sont ouvertes et le contenu de 2 sacs de billets de 100$ s'est envolé. Au total, 500 000$. Ah, je suis bien avec mes 10 000 euros. Moi. Se sont retrouvés sur la chaussée. Énorme bouchon, accrochage, embouteillage, parce que les gens sortaient de la voiture, évidemment, pour ramasser le pognon. Bah, finalement, ils n'ont récupéré que 200 000 euros. Et donc, il manquait... 200 000 euros. Mais non, 300 000 euros. 200 000 euros. Ils ont récupéré 200 000 euros. Mais il y avait 500 000. Il y avait 500 000. Oui, mais s'ils en ont récupéré 200 000, bah, là-bas, ils en ont pris 300 000, les méchants. T'as fait les anges cette année ou quoi? Non. T'es sérieux? 500 000 euros, ils en ont récupéré 200, donc les gens en avaient 300. Eh ben voilà. C'est pas ce que j'ai dit? Non, t'as dit 200 000. 300 000, c'est-à-dire que les gens derrière sont repartis avec 300 000. Moi, je me demande ce qui est le plus crédible quand tu rentres chez toi et que tu racontes que t'as ruiné ta voiture en rentrant dans un mec qui s'est arrêté sur l'autoroute en train de ramasser des billets et que t'as pris 100 000 euros, ou alors raconter que t'as vu des extraterrestres en train de jouer avec un hand spinner. Je sais pas ce qui est le plus. Je n'ai pas le plus crédible. Super champion du monde très rapide, toute catégorie, gilet jaune intercepté sur la 11 avec des plaques d'immatriculation, Gilles et John. Gilles et John. Ok, le conducteur, un Sartois 31 ans, été conduit au poste. Il a dû repartir librement mais sans les fausses plaques et va être convoqué par la police. Il a dû remettre ses vraies plaques du coup. Ah, en plus, ces vraies plaques, c'était LAPJFDP. Bon, ça va. Si c'est les nouvelles qu'il a fait dans son coin, il était furax. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne. sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, comme les autres, le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Vous allez peut-être gagner jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS en mettant Koé au début de votre message et seulement par SMS. Le téléphone trottoir dans un instant, les recherches les plus faites sur Google, le Père Noël en personne qui répondra à des questions d'enfants, la compile des pompiers en détresse, tout ça c'est ce qui arrive dans un instant sur Énergie. Mais une pensée, voilà, parce que j'ai été coincé dans un centre commercial tout à l'heure par des manifestants CGT qui faisaient une manif et voilà, ils foutaient un peu le bordel, mais ils n'ont rien cassé, c'était vraiment une manif. Ils sont juste passés dans le centre commercial, les mecs, les magasins, ils ont tout fermé. Je suis resté bloqué dans une FNAC et tout. Et en passant, les gars m'ont reconnu. Et quoi, viens avec nous, viens avec nous. Et en descendant, je vous jure que c'est vrai cette info, j'ai pas eu le temps de filmer. En descendant l'escalator, ils faisaient Koé, président Koé. Je leur ai dit, attendez, j'achète déjà des cadeaux pour mes enfants, je verrai après. Je peux pas. Plus tard, les gars. Bonne nouvelle, les Français âgés de 18 à 29 ans font l'amour combien de fois par semaine d'après vous? 3 à ma droite, 8 à ma gauche, 6 au milieu. 5 fois, c'est le chiffre exact. 5 fois par semaine, c'est mieux que les derniers sondages. Il paraît que les Français préfèrent la qualité à la quantité. Ils préfèrent le faire 5 fois par mois, bien que 10 fois pas bien. Voilà, franchement, c'est mieux. Moi aussi, je préfère la qualité à la quantité. Bon, si je pouvais avoir un peu moins de qualité et plus de quantité en ce moment. Mais bon, ça commence à me saouler. Mais je vive la qualité. A tout de suite, on est de retour, bougez pas. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Intersport. Chez les Durand, on ne s'offre qu'un cadeau par personne. C'est une sorte de tradition. Mais cette année, ils sont tous allés chez Intersport. Il n'y aura jamais assez de place au pied du sapin. Jusqu'au 24 décembre, il est encore temps de célébrer Noël chez Intersport. Votre deuxième article acheté est à moins 50% sur les marques Adidas, Puma et Asics. C'est 50% de réduction et 100% de plaisir d'offrir en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, Hit Music Only. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'équipement high-tech de Christophe qui change. Avec le smartphone Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ seulement. 449,90€, Christophe, achète-le. Et avec, prends le prix en photo. Sinon, personne croira que tu l'as payé ce prix-là. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ et votre équipement high-tech change. Éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé, DAS 0,315 watts par kilo. Prêt à entrer dans un club orque extraordinaire? Envie d'offres exclusives pour habiller vos enfants? Les ventes privées du club orchestra sur la mode enfant, c'est rien que pour vous. Plus d'un million d'articles à 1, 2 et 3 euros. Un million d'articles à 1, 2 et 3 euros? Franchement, c'est cadeau. Modalité en magasin et sur orchestra.com. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand votre ado frôle la grève de la faim pour avoir son smartphone, on propose le Samsung A7 6 pouces à 299 €, soit 50 € de remise. Pour liker Noël comme jamais. Conforama, gaz 0,335 watts par kilo jusqu'au 24 décembre. Conditions sur conforama.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, maman. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49 € le kilo, avec en plus 6 € en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. Et je vous prépare de belles émissions de Noël. Rita Ora demain. Elle sera notre invitée, Rita Ora. Et vendredi, nous aurons qui ? Jennifer ! Fébrile ! Fébrile ! Elle en a fait une nouvelle quand même depuis. Hein. Ça s'appelle Encore, Encore. Stouff, elle la connaît par cœur. Mais Stouff, elle est très fan. Ah, c'est comme ça. Elle a la carte de fan club de Jennifer. Elle était à tous les concerts. Elle en peut plus, Jennifer. Elle est avec son petit briquet, comme ça. Tout à fait. Ça va, toi, t'es contente? Mais oui, je suis heureuse. Ouais, je vois bien, je vois bien. Dans un instant, nous aurons à l'avoir le téléphone trottoir du jour. C'est quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais d'abord, allez, je vous fais rapidement, j'ai le top 5 des recherches sur Google. Vous êtes tous, tout le monde est sur son ordinateur. On tape des fois. Moi, je suis le spécialiste pour taper des trucs qui n'ont pas de sens. Genre quoi? Par exemple, j'ai une télévision Samsung. La dernière fois, je voulais brancher un truc qui marchait pas. J'ai retourné ma télé, je trouvais pas la prise HDMI. Ok. Eh ben j'ai tapé où est la prise HDMI sur mon Samsung. Eh ben j'ai rien eu du tout. Ils m'ont pas dit où la trouver. En fait, elle est pas dessus, elle est en dessous. sur un boîtier dérivé, c'est en prenant du recul. Ah oui, c'est en dessous. Et d'ailleurs, je vais à Google, j'ai dit autant pour moi. Voilà, qu'il faut savoir quand on a tort. Voici le classement des recherches, c'est étonnant. Cinquième position des recherches. Caris dans les personnalités les plus recherchées. Ouais. 4. Paul Diversi. C'est celui qui avait fait 10 couples parfaits qui est décédé dans un accident de moto cet été. Ah, ouais. Troisième, Freddie Mercury, chanteur de Queen. Deuxième, Meghan Markle, l'épouse du prince. Harry. Et première position, vous diriez qui? 2018, les plus recherchés en personnalité. Griezmann. Non. Mbappé. Non. Pavard. Johnny. Non. Trump. Presque. Trump. Quoi, presque. Laetitia. Héritage. Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday est arrivée en première position avec héritage ex aequo, je pense. Donc, si je résume, aux deux premières places, deux femmes, ensuite deux morts. Et le dernier, c'est un rappeur, c'est ça? Oui. D'accord, c'est pas sur Google, il faut chercher Caris. C'est dans une parfumerie, les gars, chez Sephora. Et alors, revenons deux secondes sur la phrase donc, de l'homme politique qui a déclaré. La prime que propose M. Castaner est comme un affront, je crois, fait à la police. C'est une goutte d'eau pour vous? C'est un affront? C'est surtout une façon de la considérer d'un certain point de vue comme une milice privée. Comme si les policiers attendaient d'être stipendiés. D'être stipendiés. Je rappelle que stipendiés veut dire recevoir de l'argent pour faire des basses besognes. Je ne savais pas, je vais être très honnête avec vous, mais le savez-vous, voici le téléphone pour trottoir et ensuite j'ai un document exceptionnel. Écoutez. Oula, stipendier, je sais pas, c'est peut-être genre un cintre, non? Stipendil, c'est un cachet, ça, c'est un médicament. Non. Stipendier, un métier? Non, aucune idée. Oh bah ça doit être un truc de pharmacie, un médicament, un truc comme ça, non? Je ne vous comprends pas. Ah, stipendier? Non. Non. Bah pour moi, ça veut rien dire, en fait. Non, non. N'existe pas? Non. Ben non, madame. La dame, elle ne comprend pas. Non, stipendier n'est pas un médicament et c'est pas un cintre non plus. Hein. Non. Oh, dis donc, va mettre ta chemise sur le stipendier, comme ça elle va bien pendre. Non, ça n'a rien à voir. Ça, vous venez de l'entendre, donc personne ne sait ce que veut dire stipendier. Non. Mais c'est pas ça le plus drôle. C'est qu'on a appelé une de ces personnes qui, pendant que nous l'avions en ligne, tout à l'heure, hors antenne, a eu un contrôle de police. Non, ben, non écoutez, à la maison. Écoutez, non, dehors. C'est comme si vous y étiez. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Une moteur. Ouais. Ah oui, voilà. J'ai rien, excusez-moi. Veuillez vous présenter, papier de véhicule. Oui. Alors, papier de véhicule. Pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, je peux juste vous dire un truc. Oui, bien sûr. Vous avez des gilets jaunes pour des flics, c'est rigolo. C'est pas la première fois qu'on le dit. Mais par contre, franchement, je vais juste vous dire, mais bon, vous m'arrêtez, je sais pas quoi, mais merci quand même pour votre boulot, quand même. Ah, bien. Non, mais parce qu'en ce moment, vous en prenez plein la gueule. Petite échouille. Et c'est pas normal. Eh ben voilà, ça c'est sympa. C'est 5 bien. Points de moins pour la peine. Merci. C'est Koé, c'est le Bifor sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Baby, I've been thinking, happier, I want you to be happier. So I'll go, Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. Ne ratez pas un document exceptionnel tout à l'heure. Nous reviendrons sur l'affaire du sapin moche du studio. On le fera tout à l'heure dès qu'on sera en public à 18h. Quelques hashtags, monsieur Bordas. Dans un instant, il y aura le zap télé de Miko. De quoi on parlera dedans? Nous parlerons boule. Restez là. Voilà. Eh oui, mais écoutez, on est là pour prendre ce qu'il y a à la télé. Hein. C'est si tu décides de parler de ça, on suit nous. Monsieur Bordas, le hashtag c'est quoi? Ce qui m'a fait rire en 2018. Allez vite, parce que dans un instant il y a 10 000 euros. Ouais, il y a Dina qui lui dit Coco qui se fout de la gueule de Miko à Fort Boyard lors de la dégustation de Willy Rovelli. Bah oui, parce que t'étais végétarien. Ah, j'étais vegan à ce moment-là. Bah oui, voilà. J'ai été vegan sur le fort. Une fois que j'étais sur le fort, j'étais vegan. Ouais. Bah oui, j'ai une crise de véganisme. D'accord, mais pas quand on a mangé les tacos, t'étais plus vegan. Non, je me suis dévéganisé. Ni quand tu manges la pizza. Non, c'est je me suis dévéganisé. Ouais. Non, mais c'est des crises comme ça. Mais ça va, genre, un coup, je suis. Écoutez, une autre. Il y a KDZ qui le dit, Nikos qui ne sait pas prononcer le fameux Aya Nakamura. Aya Nakamura. Vous avez vu que quand on l'a remis dans l'émission et qu'on lui a refait en face d'elle, ça a rebuzzé le lendemain dans les. C'était gênant, c'était gênant. Dans les magazines. Elle a bloqué, elle a pas je fait. Je ris. En attendant, le démon. Chacun a une enveloppe. Vous l'avez devant vous. Ouais. Il y a de l'argent à l'intérieur. Il y a jusqu'à 10 000 euros. Nous avons un chèque de 2000, un chèque de 1000, un chèque de 200. Un de 500, un de 2, évidemment, un de 10 000 euros. Vous êtes inscrit au 7-10-12, c'est le seul numéro, plus que deux jours. Hein. Après, on a quelques jours de vacances, mais plus que deux jours pour vous inscrire si vous voulez que je vous appelle. Benoît, avec nous. Ça va, Benoît? Ça va, et vous? Ça va bien, Benoît, bienvenue sur Énergie. Que fais-tu dans la vie, Benoît? J'aide les personnes âgées et des personnes qui sont malheureusement handicapées. Ouais. Donc je fais aide à domicile à peu près, voilà. C'est très bien, camarade. Tu bosses dans quel coin de France? Je bosse dans le Var, au Luc. Est-ce que tu as une... Au Luc? C'est marrant, vraiment, ça. Non, tu la fais pas. Arrête. Je te vois venir. Elle est où la clé du camion? Dans ton Luc. Alors bon, Benoît, tu as une chérie, des enfants? Alors j'ai une chérie, oui, tout à fait. J'ai une chérie et j'ai deux enfants. Très bien, comment ils s'appellent tous ensemble? Alors j'ai Jolan, le premier, qui a 11 ans. Oui. Et j'ai mon deuxième fils qui a eu 3 ans le 1er novembre. D'accord. 1er décembre. Ouais, tu galères dans les dates, hein, je vois bien, tu galères. Toi, faut pas que tu prennes une maîtresse, tu vas t'en mêler les pinceaux très vite. Hein. Attention. Hein, oui. Benoît, tu sais pas mentir. Choisis-moi la bonne personne. Il y a Miko, il y a Bordas, il y a Bichette qui réalise l'émission, il y a moi-même, il y a Stouf, il y a Jeff. Nous avons tous de l'argent, j'espère que tu vas en avoir. On y va, c'est parti. Je vais choisir Miko. Ah. Monsieur. Ok, allez, c'est parti. Ouverture de l'enveloppe. Ouverture de l'enveloppe. Attention. Quoi? C'est 200 euros. C'est très bien. Miko. C'est très bien. 200 euros, on valide, on fait une grosse boule, ouais, on fait un plein avec 200 euros. Ça va. Bien sûr que ça va. Ça va. C'est super. Mais c'est deux pleins, vous savez ce que c'est, deux pleins de nos jours? Évidemment. Bravo, mon ami, je te souhaite un joyeux Noël, mon Benoît. Bravo, Benoît. Merci. On va gérer les cadeaux des enfants. Gros bisous. Porte-toi bien, profite. Embrasse. Bisous, mon pote. À bientôt. Courage. Merci à vous aussi. Bonne soirée à vous. Je t'embrasse. Au revoir. Il y a décalage. On est décalé. On est décousu, mais on s'aime, c'est le principal. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprends? résultats et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard. Merci d'être très nombreux à être avec nous. La prochaine émission en public, c'est tout à l'heure 18h. Venez, il en reste deux dernières d'émissions en public. Après, on prendra une petite semaine de vacances. Nous serons de retour le 3. Oh, ça va être rapide. On n'attend pas le 7, hein. On revient la deuxième semaine. Oui. Voilà, donc le premier, le 2, histoire d'être un peu comme ça. Voilà, sinon vous allez nous voir avec des visages assez peu remis. Non, faut se reposer. Oui, voilà, faut revenir avec une tête défripée. Alors, en tout cas, sans transition, Christina Cordula, l'animatrice des Reines du Shopping sur M6, a obtenu sa nationalité française. Bravo. Elle l'attendait depuis des années. Dans la foulée, elle a déclaré: vive la République, vive la France et vive le camembert, avec un petit coup de rouge. Alors, Christina. Je suis un peu trop là. Moi, je l'aime. Ouais. Non, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Ouais, mais elle en fait trop. Bah oui. Surtout que c'est donné. Ouais, mais surtout, je peux te donner un petit conseil, Christina, si tu écoutes l'émission. Maintenant que tu es française, on ne dit plus ah, magnifique. On dit ouais, pas mal. On dit pas j'adore. On dit moi, j'aime bien. Ouais. On dit pas j'aime faire les shopping à Paris. On dit tu mets ton gilet jaune, va brûler une palette sur les Champs-Elysées. Non, il faut falloir que. Ah, il faut qu'elle s'intègre. Ah, il y a les mots qui vont avec. On y va, mon micro, zap télé d'hier. Allez, des nouvelles de Francis Lalanne. Quand il n'est pas porte-parole des gilets jaunes, il est collé aux arbres dans Confession intime sur TFX. Moi, mon inspiration, je la puise pas que dans cette espèce de gélatine qu'on appelle un cerveau. C'est là, quoi, tu vois. C'est ce qui vient de la terre, cette énergie-là. Je sais pas, il y a des gens, ça fait rire, ça. Moi, je te jure, c'est tant pis pour eux, quoi. Les pauvres, ils savent pas. Ah non, c'est vrai. Les ours qui se frottent aux arbres, ils réfléchissent plus, hein, c'est connu. C'est hein. Oui. Il y a des ours qui ont fait des poèmes, hein, après. Ils se frottent le dos, comme ça, ils font du long, ils me viennent une idée, là. Mais la terre, elle est pas ronde. Ouais, j'ai une idée, là, d'un coup. Quoi d'autre? Dans Mon plus beau Noël sur TF1, ça tripote de la boule. C'est quoi Mon plus beau Noël? C'est l'émission de Valérie D'Amido. Ah, de déco. Ouais, jamais vu. Voilà. Et en même temps, bon, bah, c'est la période. Hein, la beauté de la boule. Les boules, là, ils sont belles, hein, sont grosses. Ça fait longtemps que j'avais pas touché à des boules. Donc, c'est super. un frondeur, TF1 va. Bande de foufous. Allez, quoi d'autre? On termine avec un peu de télé-réalité. La Villa des Cœurs Brisés, saison 4. Et Mélanie qui ouvre son cœur, enfin. Oh. J'ai un cœur de pierre. J'arrive pas à laisser rentrer un homme et en moi et dans ma vie. C'est une autre façon de dire les choses. J'apprécie beaucoup. Pas sûr qu'elle ait pas réussi à faire rentrer un homme en elle, mais non, mais je pense qu'il y a bien dû en avoir un aussi. Bah non, au moins un. Tu fais pas de télé-réalité, bah au moins un. Voilà. Au moins un. Bah, j'espère qu'elle a eu une histoire dans son cœur, elle voulait dire. Voilà, évidemment. Restez avec nous dans un instant, le Père Noël. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. Gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. Vous êtes fan de Rita Ora, allez là demain soir. Et j'adore ce que fait cette demoiselle. Et dans un instant, restez avec nous aussi, puisqu'on aura pas mal de surprises. Mais je crois que le Père Noël arrive, c'est important. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Oh, je crois qu'on a le Père Noël. Coup de frein à main. Bonjour les jeunes. Bonjour Père Noël. C'est le Père Noël, ça va? Oui. J'écoute les questions d'enfants. Père Noël, ton barbier, il est mort? Oh, merci pour cette question, mon petit. Non, mon barbier n'est pas mort. Je l'ai juste viré car le Père Noël, c'est un hipster. Eh ouais, Moré, faut vivre avec son temps. Et c'est moi qui ai lancé la tendance. Le traîneau tiré par des rennes à zéro émission de gaz, quand il pète pas, là aussi j'étais en avance. Et c'est pour ça, cette année, fini les Kinder et les chocolats pleins d'huile de palme qui tuent les singes au pied du sapin. Ce sera carottes râpées et baies de goji pour tout le monde. Je vous laisse parce que j'ai mon cours de yoga, à moins qu'il y ait une autre question. Dis, Père Noël, pourquoi ton costume est toujours rouge? Pourquoi il n'est pas bleu, noir, blanc, jaune, tout ça, tout ça? Ah, tu nous emmerdes. J'aime bien cette question. Et ça tombe bien. Trop long. Ça tombe bien que tu me poses cette question, mon petit. Parce que j'en peux plus du rouge. Il y a 2 ans, j'ai essayé le grand manteau blanc. Tout le monde m'appelait Gandalf. L'année dernière, j'ai tenté de mettre un manteau multicolore désigual. Les enfants me gerbaient dessus. Cette année, j'ai pensé mettre un petit gilet jaune, mais j'ai peur de me faire tirer au flashball sur les Champs-Elysées. Du coup, cette année encore, ce sera du rouge. Et mes bottes, du coup, c'est des loups-boutins. Le Père Noël, il est sapé comme jamais. Au revoir, Père Noël. Au revoir, Père Noël. À demain. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.

Voir produits signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Modalité, liste des magasins participants et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous êtes prêt à partir ? Avec toi ? Jamais. Parce que là, il y a 5 croisières de rêve à gagner. C'est le grand jeu de luxe ? Ah oui, et jusqu'au 30 décembre, dès l'achat d'un produit de luxe, ils font gagner plein de cadeaux, 1000 cadeaux au total. Mais c'est Noël avant Noël. Et Noël rime avec Lidl, patron. Chaque semaine, ils mettent en jeu une croisière MSC, des smartphones, des séjours à Port Aventura, des robots Monsieur Cuisine, des Wonderbox et des bons d'achat. Trop tentant, non ? Mais toi, tentant, t'es pas un cadeau. Vous êtes pas gentil, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement et participation sur Lidl.fr. Chez Marionno, notre mission, c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment, profitez de moins 25% des 79 euros d'achat. Et avec le Click and Collect Express 1 heure, commandez sur Marionno.com et retirez vos cadeaux 1 heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Marionno. Offre et conditions en magasin sur Marionno.com. Marionno, la beauté qui me ressemble. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour 2 articles, profitez de moins 20%. 3 articles, moins 30. 4 articles, moins 40. Et 5 articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier, sur articles signalés. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi ? Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. On vous répond, soyez tranquille. Préparez vos achats sur leroymerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête 2 heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Salut, moi c'est Pierre. Pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën. Car en ce moment, le pré-contrôle technique est à faire. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 euros, le contrôle technique est à 1 euro seulement. Bref, deux offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détails sur citroën.fr. La bonne idée bute. Pile avant Noël, c'est roulement de tambour, moins 100 euros sur un lave-linge. Eh, en voilà une affaire qui tourne. Pour le Sweet Noël en ce moment chez Butte, moins 100 euros sur le lave-linge Hublot Ayer qui passe de 459,99 à 359,99 €. Voir modalité de la réduction en magasin. Sweet Noël, doux Noël. On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. Cette fois-ci pour Noël, j'ai tout prévu. Ça, c'est une super nouvelle, Michel. Enfin, presque. Il me manque juste le foie gras. Eh bien, on a ce qu'il vous faut chez Carrefour Market. Jusqu'au 31 décembre, si vous achetez un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest avec morceau La Berry, le deuxième est à moins 60%. Moins 60% pour un bloc de foie gras avec morceau ? Exactement. Oh, ben je me vois déjà à table. Où est le pain d'épices ? Carrefour Market. Le bloc de 200 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Coé prépare son sapin. Il hésite s'il doit mettre une grosse guirlande avec des petites boules ou une petite guirlande avec des grosses boules. Oh, eh oui, même la magie de Noël ne changera pas cet homme. C'est Coé, c'est le Bifort. 17h, 18h sur Énergie. Un document exceptionnel, l'info avant tout. Nous sommes sur Énergie, je m'appelle Coé. Vous vous souvenez de la députée Obono ? Oui. Qui, à qui j'avais lancé un défi, ça, les chaînes d'info, ça ne les avait pas fait rire, où elle devait placer Bolos. Parce que c'était elle qui avait eu un langage un peu châtié. J'avais dit, bah dis donc, les députés, ça change. Ça se lâche, oui. Ça se lâche un peu, allez-y, mettez Bolos à l'Assemblée nationale. Elle avait dit défi relevé. Elle vient de le dire aujourd'hui. Elle vient de le faire. Je vous ferai écouter le son dans quelques minutes. Il faut juste 2-3 heures pour que nos producteurs le sortent. Mais ça va arriver. Dans un instant, nous allons parler. Alors, on va essayer de le faire avec le sourire. Vous savez comme on en a l'habitude. Nous aurons la compile des pompiers en détresse, puisque Ça c'est pour la partie un peu pour vous faire sourire, mais c'est surtout pour avoir une pensée pour les pompiers, puisque le nombre des agressions des pompiers ont été multipliés par 3 en 10 ans. Oui. Ce qui est une bêtise aberration, absolument incroyable, parce que souvent les types qui viennent, qui vont fracasser ou caillasser des voitures de pompiers ou les empêcher de rentrer, peut-être que les pompiers viennent pour des membres de leur famille. C'est ça. Donc c'est totalement idiot. Ils viennent pas pour de la répression, ils viennent pour sauver des vies. Mais ça, je crois qu'il y a des gens. Comprennent pas. Je crois qu'il y a des gens qui sont tellement cons qu'on leur explique qu'ils comprennent, rien. Ils voient un uniforme. Un gyrophare, ouais, non. Voilà, c'est. Oui, mais c'est pas faux. C'est ça. C'est pas totalement faux. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff ? Non, mais rien, mais ça m'énerve. Je sais, Stouff, mais tout est bien. J'arrête de ne dévorer personne. Si le problème, il serait bien content de les trouver. Avant d'avoir le top 5 des pires braqueurs de Noël, monsieur Bordas, quelques hashtags. On est entêté France avec ce qui m'a fait rire en 2018. Faites-moi plaisir, allez-y, mettez ce qui vous a fait rire en 2018. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a Emina qui me dit ce qui m'a fait rire en 2018, le petit auditeur qui a lâché un thé moche à Koé. Le petit gamin quand il y avait Louane. Oui, oui, c'est vrai. Lui, oui, ça pas oui. Mais pas que des choses dans l'émission. C'est pas ça le but. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va être des trucs dans la vie de tous les jours. Il y a Bipolaire tiens, qui nous dit ce qui m'a fait rire en 2018. Le je traverse la rue, je vous en trouve du travail. C'est vrai que c'était drôle. C'était vrai. Attention, voici dans le classement des top 5 des pires braqueurs de Noël. Cinquième position. En 1996, aux États-Unis, pendant les fêtes de Noël, une femme braque le gérant d'un motel avec une tronçonneuse électrique. Oh putain. Faut y aller là. Ah ouais. Pas de bol, la tronçonneuse est déchargée. Le géant appelle tranquillement et sans violence. La police vient arrêter la jeune femme. Sympa. Hé, hey, la caisse. Bon bah je vais attendre dans un coin alors. Vous en quatrième position. En 98, toujours aux États-Unis, un cambrioleur profite des vacances de Noël pour rentrer dans une maison et décide de mettre sa lampe de poche dans sa bouche pour pouvoir voler les mains libres. Vous savez le truc qu'on voit tout le temps dans les films. Ouais. Il se prend bêtement les pieds dans le tapis, fait une chute en avant et meurt étouffé, la lampe électrique coincée dans la gorge. Oh non. C'est horrible. Oh, c'est cool. Le truc allumé, tu sais. Oh, génie. C'est bien la première fois qu'un médecin agiste va faire une autopsie avec une avec des lunettes de soleil. Je suis aveuglé, je ne vois rien. Écoutez, fermez la bouche, je ne vois que dalle. Troisième position aux États-Unis en 97, un homme se rend au dîner de Noël mais tombe en panne de voiture sur l'autoroute. Il est pris en stop et emmène avec lui ses affaires personnelles, dont la roue de secours. Le conducteur trouve ça bizarre et prévient la police et découvre 5 kilos de cannabis cachés dans le pneu. C'est vrai qu'un type qui dit non, je veux ma roue de secours. Ça peut être inquiétant. Deuxième position, en 97 en Irlande, un homme a découvert à la télé qu'il avait dévalisé une station-service. C'est en regardant les infos qu'il a vu des images de vidéosurveillance le montrant en train de cambrioler, mais il était totalement ivre-mort, il avait tout oublié. Oh. Il est allé se rendre à la police en étant net, je m'en souviens un peu de rien. Et enfin, le dernier, Grande-Bretagne, Noël 96, pour faire croire qu'il est parti au soleil pendant les fêtes, un homme pénètre par effraction dans un hôpital et en profite pour perfectionner son bronzage. Il dépasse le temps d'exposition à l'appareil à UV d'une demi-heure, il est admis au service des urgences pour brûlures qui étaient l'étage d'en dessous. Au moins c'était pas loin. C'est con, à l'occasion le type il voulait juste devenir kebab, c'est tout ce qu'il lui fait. C'est Koé, c'est le Bifor sur Énergie. La phrase de la députée qui a donc casé notre défi à l'Assemblée nationale, on le fera dans un instant. Vous le voulez tout de suite? Oui, 18h. Sur un puits, vas-y. 18h. Elle est députée et elle avait eu un petit langage assez vert. Hein. J'avais mis un petit message sur Twitter, je ne la connais pas. Hein. Et j'avais mis un petit message sur Twitter qui était, dis donc, prochaine fois, autant caser Bolos. Elle avait dit, message reçu et message relevé. Elle fait partie de la France insoumise, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos. C'est fait. Ça rattrape son contraire. Bah, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'elle doit caser maintenant à l'Assemblée nationale? Allez, on y va. Alors, quelqu'un des Big Mac? Qu'est-ce qu'on peut caser? Il faut faire un nouveau défi. Qu'elle vende sa voiture. Non. En fait, je vends une bagnole. Chanter gilet jaune. Non mais en tout cas voilà, elle l'a fait. Hein. Oui c'est bien. Oui. Elle l'a fait. Et on comprend ce que ça veut dire. Trois et en plus oui alors elle l'a fait avec un sens parce qu'elle a fait un truc. Voilà. Oui, vous en doutez bien. Anti-Macron sur le principe. Oui. Et d'ailleurs il en pouvait plus le Premier ministre. Il était Ah il se remettait le peu de cheveux qu'il avait là dans le bon sens puisque je vous rappelle qu'il y a le vent du Havre qui le décoiffe partout où il est. Même à l'Assemblée nationale, il y a un petit vent, le mec il en peut plus, il est toujours en train de se recoiffer. Fais comme moi Edouard, rase parce qu'à un moment donné. Non mais ça fait trois poils au-dessus de la tête, ça devient moche. Moi c'est pour ça que j'ai rasé. T'as raison. Il y a un moment les cheveux longs. Mais non, ça fait prof d'histoire géo la mèche là. Alors, on a tous un grand tonton dans les mariages comme ça qui vient, tu sais, qui a une mèche de 72 cm à gauche qui ramène au-dessus. C'est horrible. Et le vent va toujours dans l'autre sens. Et nous, il se déplace face au vent. Tu sais, il marche en crabe. Ah, il doit rase, ça devient moche. Trois fois plus d'agressions. Bon, le mec donne des conseils capillaires. Mais oui. Au Premier ministre. Mais je le vois, il en peut plus. Il se recoiffe tout le temps. Je le vois à chaque fois, il met ses petites mains encrochées, là, comme ça. Ouais, c'est les outils, ça. Résultat, il a les cheveux tout gras à partir de midi. Je l'ai vu, là. Il met du pento. Je sais pas ce qu'il met, mais il met une espèce de gel. Bon, c'est fixation molle. Tu sens que c'est mou au niveau de la fixation. La gomina. En attendant, un bisou à tous les pompiers qui nous écoutent. Voilà, moi je vous aime, bravo. Je vous ai toujours défendu, je suis toujours là pour vous si un jour vous avez besoin de moi parce que les pompiers, je n'ai jamais compris ce bordel de caillasser des voitures de pompiers. Voici votre compile parce que il y a dans la compile des pompiers la chanson pour le mec énervé qui agresse les pompiers. T'es vraiment con comme une... Alors, il y a aussi la chanson pour celui qui veut sauter du 14e étage s'il n'y a pas de pompiers pour le rattraper. Ah bah oui, tant qu'on mette le truc en dessous. Hein. Il y a également la réponse du pompier qui peut pas venir le secourir. Et il y a ces chansons, il y a ces collègues qui essaient d'arriver mais ils peuvent pas. Et sur le camion de pompiers. Il y a la chanson des pompiers d'ailleurs pour les jeteurs de pierres. Évitez-nous. C'est bon. Il y a également la chanson. Ouais, bien sûr. La chanson du pompier qui se prend des cailloux sur la tête dans les manifs. Et qu'est-ce qu'ils font les autres? Et enfin, la chanson du pompier qui en prend plein la gueule. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Ah oui. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Eh ben moi, je vous embrasse fort, les gars, si vous m'écoutez dans les camions ou à la caserne. Restez avec nous dans 3 minutes, l'émission en public. Qu'est-ce qu'on écoute? Lady Gaga et Bradley Cooper. Je vais descendre dans le studio, parce que sinon je vais chialer en écoutant cette chanson. J'aime beaucoup. Tu fais la batterie, toi? C'est quand c'est moi, tu vois. À un moment, j'adore ça. Bienvenue sur Énergie. Je m'appelle Koé. On est là dans 3 minutes en public. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Tout à l'heure rapidement à l'antenne, mais je vous assure que c'est vraiment ce que j'ai vécu aujourd'hui avec une manif de la CGT qui passait dans un centre commercial. Ils étaient très nombreux et quand les mecs m'ont vu, ils ont crié Coé président, et donc je voulais filmer mais c'était un peu trop tard. Voilà, c'est sympa déjà. Ouais, j'aurais dû, j'achète des jouets pour me. Pour ah bah du boss que... qui lui demande de l'argent, ouais, c'est mieux. Hein, c'est mieux, du boss qui lui demande de l'argent. Oui, alors mais moi ils savaient qu'ils en auraient pas, mais. Ouais. Ils connaissent la bête. Bah, ils connaissent l'animal. Hein. Avec Coco, pas de fausses promesses. Tu vois, que voilà, voilà, que des vérités. C'est comme ça que vous aimez bien. Merci beaucoup pour le prix. Je vous en ai parlé à 17h, et puis à 17h05, et à 17h10, et à 17h30. Parlez que nous deux fois. Merci, merci, parce qu'il y a eu donc un sondage qui a été fait toute radio confondue, et l'émission est sortie comme le meilleur divertissement. Oui. De toutes les radios, devant toutes les autres radios, nous sommes arrivés, et grâce à vous, puisque c'est vous, public, c'est vous qui avez voté, voilà, c'est donc merci, merci, je vous le redis vraiment. Merci. Merci. Simplicité. Merci à toi dans ta voiture. Merci à toi qui va chercher les enfants tous les jours et qui nous écoute. Merci à toi, jeune mère célibataire. Merci à toi, jeune papa récemment divorcé. Merci à toi, toute la famille qui nous écoute. Merci à toi, l'enfant qui est dans ta chambre. Merci à toi qui nous écoute tous les jours, le commerçant qui a décidé de rigoler entre deux clients pénibles. Merci à toi, le chauffeur Uber qui n'a pas passé l'aspirateur ni acheté de bouteille d'eau depuis 6 mois. Mais qui nous écoute. Mais qui nous écoute. Et qui nous écoute en disant ah, il a raison, je ne suis pas prêt de racheter des bouteilles d'eau. Merci à toi, le taxi G7. Merci à toi, le pompier. Merci à toi, le policier. Merci à toi, Jean-Paul, notre patron. Oui. Qui nous écoute de là-haut. Non, mais quand même. De là-haut. Qui nous écoute de là-haut. Oui, c'est bizarre. Oui, mais il n'est pas mort, il est dans son bureau là-haut. Oui, d'accord. Ah, non, vu le prix que ça coûte, heureusement que ça marche. Bon, et en tout cas, merci à vous tous. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On a plein de surprises. Je veux absolument démarrer cette émission. Je vous lirai des messages d'auditeurs. On aura dans un instant le truc qu'on aime beaucoup faire la semaine de Noël. On a fait ça depuis lundi et c'est très très drôle. On continuera. Ça s'appelle les enfants de la vérité. En gros, vous avez des enfants, vous leur demandez de nous appeler 0870 42 48. Nous posons des questions aux parents. Je pose les mêmes aux enfants. Si les réponses sont les mêmes, c'est-à-dire que si les enfants connaissent bien la vie de famille et répondent bien, il y a à gagner quoi, Stouf ? Ils choisiront PS4, Google Home, AirPods. Pas mal, au choix. On va se débarrasser là. Et là, faut... c'est quoi ici ? C'est comme l'armée, il faut vider le budget, on fait tourner les tanks. Comment ? Ça dépend de leurs besoins. Vous demandez aussi ce que vous voulez, voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Tu as gagné un casque Bose, mais je n'ai pas d'oreille. D'accord, bah alors... une Google Home. Pas besoin. Une Google Home, comme ça tu pourras lui parler. Oui, mais j'entends pas la réponse. Ah oui, non plus. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous, merci de rire avec nous tous les jours. Vos messages dans un instant, le jeu, et je viens tout de suite sur le dossier Sapin oui. de Noël. Oui, faut qu'on en parle. Je vais vous présenter, faut quand même qu'on présente tout de suite l'animateur de Chéri FM le matin. Oui. Qui s'appelle Stouf. Je ne demande pas Miko parce qu'il n'a pas d'idée. Christophe Nicolas. Christophe Nicolas, ouais. Christophe Nicolas. Vous l'avez, tu l'as le son. Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Et donc, okay. Christophe Nicolas fait la matinale. Et on partage le studio ici avec la matinale de Chéri FM. Absolument. Et lundi ou mardi, j'ai pété les plombs parce qu'on nous a mis un. Enfin, péter les plombs. Non, mais parce que je suis arrivé dans ce studio et j'ai vu un sapin dégueulasse. Ouais, là, j'ai vu la table recouverte d'une mousse qui laisse des traces blanches partout. Ah oh, oui, c'est horrible. Un porte-gobelet dégueulasse en chaussures de Père Noël. T'es dur, t'es dur. Et Chéri FM avait la même déco. Oui. Je vous propose d'écouter deux salles, deux ambiances. Sur une même déco. Voilà. Vous allez entendre le monde des licornes. Chéri FM, Christophe et Carole, oui. Le monde des connards, c'est nous. Ça, c'est écoutez bien, il y a juste à coller les séquences, vous allez voir. Écoutez. L'équipe déco du Réveil Chéri a bien travaillé avec ses petits lutins pendant la nuit. Carole a les yeux qui pétillent. Qu'est-ce que c'est beau. Qui a eu l'idée de mettre ce sapin de Noël le plus déprimant de la Terre? On a l'impression que c'est le sapin de Noël de la Cogérep qui a été jeté dans un coin. Déjà hier et ces jours-ci, c'était magnifique. Mais alors là, dans la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le studio de Chéri. Oui, il y a même de la neige qui a poussé sur la table. Incroyable, de la neige qui pousse. C'était obligé aussi, la fausse neige. Mais on s'en colle partout. Parce que là, il y en a partout et ça va être pendant une semaine. Des étoiles partout, comme dans nos yeux. Regardez, oh, ça vole. Ça y est, l'esprit de Noël vient à toi, Christophe. Des petites bottes, des guirlandes, il y en a partout, c'est magnifique. La botte qui porte les crayons, on est obligé aussi ou pas? C'est la chaussette qui va avec. Ah merde! Mais donne-le moi! C'est génial! Voilà! Oh, c'est énorme! Voilà, oh, c'est énorme. Nous n'avons pas tous le même esprit de Noël. Que ça, les ambiances! Les blasés! Bienvenue sur Énergie! 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Yeah! Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de girar. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti

c'est avec des vannes comme ça que nous sommes aussi meilleurs divertisseurs. Oh oui, tout n'est pas très fin, je vous l'entends, mais bon. Ça passe. Ça brûle, ça passe. Toujours un gros paquet, oh, ça me fait rire. Jennifer sera là vendredi. J'aime beaucoup Jennifer. Demain, c'est Rita Ora qui est là. On voit que le public est beaucoup plus Jennifer que Rita Ora ce soir. Bah, alors, on ne peut pas être fan de tout le monde. Ils sont plus Jennifer. Voilà, demain, ils seront plus Rita Ora. Dès que tu dis Jennifer, apparemment. Ouais, c'est un mot magique. Fais un test. Jennifer, donc. Ils sont calmés. Jennifer. Rita Ora. Jennifer. Voilà, Rita Ora. On arrête, c'est chiant. Dans un instant, nous allons jouer avec les enfants de la vérité, mais pas tout de suite. Dans un instant, nous allons avoir un devine qui sait, mais pas tout de suite. Les hashtags de Bordas. Ouais, on est mais pas un. Tout de suite. Ah, okay. On est numéro 1, TT France. Après, je vais vous dire un petit bonjour dans le studio. Allez, on y va. Numéro 1 avec le hashtag ce qui m'a fait rire en 2018. Bah, moi, je vous le dis, je l'ai tweeté. Ce qui m'a fait rire en 2018, c'est la phrase de la députée de la France Insoumise qui avait dit qu'elle relèverait le défi de dire bolos à l'Assemblée nationale et qui, devant le Premier ministre, plutôt que de rire, prépare-le, toi. Mais t'en déconnes, t'es au guignol, toi. Quand il est réalisateur de l'émission, je lui fais des signes pour qu'il mette le son, il est là, il fait oh, bah, il est marrant. Ah merde, c'est à moi. Donc, qui a donc déclaré cette phrase et qui l'a fait? Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos. Elle l'a dit. Oui. Oui, elle l'a dit. C'est énorme. Mais ils n'ont pas dû comprendre, surtout. Mais vous vous rendez compte? On est à l'Assemblée nationale. Oui. Devant le Premier ministre. C'est pas deux gilets jaunes devant Bourdin sur BFM Télé. Ouais, on n'est pas dans un bar. On est à l'Assemblée nationale. Ah, c'est chaud. Et t'as la députée qui fait tout un discours, qui regarde le Premier ministre et qui dit cette phrase. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos. C'est incroyable. C'est énorme. Mais il a pas et compris. Et ça, hein. C'est à cause de ma connerie. En plus, oui. Que le mot bolos ait certainement été cité pour la première fois à l'Assemblée nationale. Merci Coco. Bravo, monsieur. La France t'a remercié. Voilà, tu fais avancer. Je ne sais pas si elle me remercie. Je ne sais pas si je la fais avancer, reculer ou rester sur place. Mais au moins, si on peut la faire rire un petit peu, oui. C'est notre mission. Alors, 2-3 hashtags. Ouais, en parlant d'Assemblée nationale, pardon. Nationale. Il y a Flo qui nous dit ce qui m'a fait rire en 2018, Jean Lassalle en gilet jaune. Ah oui, fantastique. Vous avez vu mon gobelet de café? Je l'ai tuné, j'ai mis Tu vois, en tuning dans la botte Père Noël. J'ai maintenant un mug de Noël pour tuner. Super, rien du tout. Tuné. Oui, tuné. Des tunés. J'ai dit quoi d'autre? Non, c'est moi qui dis tuné. Ah oui, mais tu comptes me reprendre sur chaque mot? Essaie déjà de prononcer ceux que t'arrives pas à dire avant de reprendre les miens. Déjà, balaye dans ta cour. C'est pas facile à dire, Assemblée nationale. Chris. C'est dur à dire, Assemblée nationale. Ah bah oui, c'est très dur à dire, Assemblée nationale. Ah oui, c'est dur. Assemblée nationale. Ah, c'est terriblement dur. Ah ouais. Alors, on y va. On a Chris qui nous dit ce qui m'a fait rire en 2018. La tête de Coué en Télétobies à Fort Boyard. C'était drôle, la denrée. Non, je crois que j'ai vraiment eu. Je crois que j'ai eu l'air con à un point que je ne pouvais pas. Ah oui, c'est vrai. Les mecs, sans déconner, le premier truc. Et encore, je vais être honnête avec vous, il y a des trucs que j'ai pas voulu faire. Parce que. Ah bon? J'ai enchaîné. Je suis vegan. Non, bizarre. Mais c'est pas ça. La catapulte, vas-y. D'où je vais me faire catapulter? Mais c'est drôle. Jamais un mec de ma vie m'a catapulté. C'est pas des mecs que j'ai jamais vu de ma vie qui vont me catapulter. On me catapulte pas, monsieur. Moi, monsieur, je saute de moi-même, mais on ne me catapulte pas. Voilà. Ensuite, je suis en Télétobies. V'là le truc. Tous les bourrelets, tu les comptes un par un. C'est une catastrophe. Hein, et il y a un truc que j'ai refusé de faire, que vous n'avez pas vu à l'image. C'est le truc où t'es dans une cabine. Et t'es assis sur des toilettes et le truc il monte, il lâche les élastiques. Ah, c'est vrai, tu veux le faire à la base. Et aussi. Ça va, et tu te prends 20 litres de merde sur la tête et les gars ils disent ah bon, t'as pas voulu le faire? Non, j'ai pas voulu le faire. C'est bizarre. Ça, dévoré par des piranhas, ils me battent contre un ours, excusez-moi d'avoir refusé. Mais c'est Fort Boyard. Ouais, et manger aussi, t'as pas voulu. Eh bien, je viens de me souvenir pourquoi je le faisais que tous les 15 ans et que la prochaine fois ce sera jamais. Il sera motus maintenant. En déambulateur la prochaine fois, croyez-moi. Pas prêt de remonter les escaliers. Non, dans 15 ans, de toute façon, je serai le père Fouras. Donc, cherchez pas. Daniel Evenou, elle le fait bien. Hein. Un dernier, il y a Matt qui nous dit ce qui m'a fait rire en 2018, BFM TV qui diffuse à Shot the Sheriff. Oui, ça a pas fait rire tout le monde parce que BFM Télé ont sorti une excuse. Et j'ai sorti une expression de vieux, une excuse de derrière les fagots. Ouais. Ils ont dit que, effectivement, c'était parti de la régie. Mais que les types de la régie eux-mêmes ne savaient pas comment ce son était parti. Bizarre. Et qu'ils menaient l'enquête pour savoir d'où ça venait. Ils sont fantastiques, BFM Télé, parce qu'il y a un attentat. Ils ont Dominique Rizet, qui te sort 10 minutes après le nom du gars, combien il y avait de policiers, l'adresse. Les gars, ils ont tout, mais pour savoir qui est le gars qui a appuyé sur le bouton chez eux, dans leur régie, qui est 6 mètres carrés, les mecs, ils disent, on est en train de mener une enquête. Alors, le terroriste, on a tout. Mais le gars qui a envoyé le son, on cherche encore, c'est pas clair. Les gars, vous avez voulu faire une vanne, elle a été mal prise, dites, on se trompe. Voilà, désolé. Oh, ça arrive. Je voudrais vous présenter deux personnes qui sont venues nous dire bonjour. La demoiselle va se lever. Miko, vite, tu as 5 secondes pour me dire quel est le métier de cette demoiselle. Quel est votre prénom? Camille. Camille travaille dans une société, elle, c'est la régie qui nous l'a amenée. C'est une banquière, Camille. Non. Non, elle vend des voitures. Non. Non. Attends. Pas très loin. Pas très loin de quoi? Les voitures ou le banquier? Non, cherche pas là-dedans, c'est vraiment pas. Non. Pas du tout. Non. Allez, vite, essayez. Allez, députée. Non. Vous vendez quelque chose? Oui. Du chocolat? Non. Non, c'est une marque connue, ça se mange pas. Ça se mange pas. Il y a des produits qui se mangent. Oui, mais c'est pas, vous êtes pas connu pour ça. Les gens disent pas, il est 4 heures, j'ai faim, je vais me faire un. Non, rarement. Des pièces de bagnole. Non. Naruto. J'aime bien ça. Tu peux aimer ça. Ah, un truc de cul alors. Pardon. Pardon, excuse-moi. Comme j'aime. Non, comme j'aime, un truc de cul. Ah oui, non. C'est un truc pour maigrir, c'est pas un truc sexuel. Dans une boutique sexuelle, un peu peut-être. Des produits un peu coquins. Une marque. Oui. Une marque coquine. Ah, Durex. Je l'ai, moi. Je l'ai. À Pélican. Marc Dorcel. Exactement. C'est pas un pélican, c'est un toucan. Vous faites quoi? Responsable communication. C'est vrai, c'est Marc Dorcel. Ouais. Monsieur Dorcel m'avait dit ça. Voilà, il m'avait dit. J'adore votre pélican, mais non, c'est un toucan. Pour ceux qui savent, évidemment. Ceux qui savent, c'est pour les trucs de plus de 18 ans. Ceux qui savent pas, vous avez le temps. Voilà. Et donc, elle est venue. Vous êtes venue avec un cadeau. Qu'est-ce que vous foutez là d'abord? Pourquoi vous êtes venue? Exactement. Je suis venue avec un cadeau, avec des bougies, un peu spéciales. Pourquoi? Parce qu'à Noël, on a envie de se faire des cadeaux en famille. Oui, oui. Et c'est une période à laquelle on ne pense pas forcément à offrir un cadeau un peu sexy. Et quelle est cette bougie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et du coup, cette bougie, quand elle a fondu, on découvre à l'intérieur un sextoy. Ah, c'est sympa, génial. C'est pas vrai. C'est sympa, vous voulez dire qu'au bout d'une heure d'utilisation, on commence à voir. Oh, c'est pas, plus qu'une heure. C'est pas un petit gland dans ta bougie, là? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une teub dans la bougie. Souffle. C'est très drôle. C'est très bien, vous savez quoi? C'est dommage que j'ai plus mes grands-parents, sinon j'aurais fait ça à Noël. En cadeau, en disant mamie, allume-la vers 20h et on se rappelle vers minuit. Dis-donc, mon petit-fils, on dirait qu'il y a un zizi dans la bougie. Attends que papy dorme. Merci, mademoiselle. C'est une bougie normale, regardez, elle est très belle. Quand ça va fondre dedans, j'aurai un petit. Oui, okay. Alors il faut plus qu'une heure. Il faut un peu de temps, mais c'est la patience. Vous voulez dire que si on veut jouer avec son mari le soir, il faut l'allumer vers 9h du mat? La veille. C'est-à-dire que tout est prévu pour que quand on l'offre à Noël, personne ne se doute. Sur la boîte, vous ne pouvez pas savoir d'où elle vient. J'adore. La marque s'appelle Sibylin, donc ça n'a rien à voir avec Dorcel. Très bonne idée. Merci, mademoiselle. Génial. Très grosse bougie. C'est mignon, c'est pas graveleux, ça peut être sympa pour les couples. Non, j'adore. Et par contre, je le dis pour vous, mesdames, si vous voulez l'utiliser après, attendez qu'elle soit éteinte. Oui. Restez avec nous sur Énergie. Chérie, tu l'as essayé. Tu as été impatiente. Restez avec nous, on revient dans un instant. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling, taking my baseball cap. Boom, boom, boom. c'est Coé sur Énergie. On change de sujet, bienvenue sur Énergie. C'était drôle. Vos cadeaux nous ont beaucoup fait rire, mademoiselle. Non, c'est bien, j'aime bien. Nous avons aimé beaucoup vos bougies. Oui, voilà. Ça nous a inspiré. Parce que moi, les miennes, la mademoiselle m'a dit que c'était des bougies que quand une fois que ça avait fondu, ça faisait des boules de geisha. Donc, je suis en train de me dire que vraiment, celui qui n'y connaît rien, qui n'a pas été prévu de ce qui brûlait sur la table, qui se réveille le dimanche matin, le lendemain de Noël, et qui voit ça, il va dire qu'est-ce que c'est que ce jouet de patience. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Un tac-tac. Ils vont croire que c'est un tac-tac. Tac-tac-tac-tac-tac. C'est un casse-tête. Mais non, ce petit jeu. C'est un chapelet. Bah non. C'est Kinder Surprise, c'est rigolo. C'est fin. Bon, on change de sujet, on arrête. Ouais. On redevient grand. Oui. Ouais, on redevient gras. Voilà, non, on redevient des grands garçons. Dans un instant, nous aurons le balance ton pote. Le principe, vous savez, vous connaissez quelqu'un qui a fait une connerie, vous nous le balancez. Oui. Et nous, derrière, on appelle, c'est quelqu'un qui arnaque les magasins de bricolage. Dans c'est un pas instant. Bien, pas c'est bien. C'est ça, Guy Claude, ça n'a pas changé? Ah, exactement. On lira beaucoup de vos messages dans un instant. On aura un devine qui c'est. N'oubliez pas que samedi 21h, je suis à Lille. Je vais être honnête avec vous. J'enregistre l'émission, mais je serai en one man à Lille. Mais en même temps, sur Énergie, vous écouterez Extravadance by Koé. Donc on se fera. Je ferai un mix que je vais réparer dès demain. Mix et okay. Tout. Et tu sais déjà ce que tu vas mettre dedans? Oui, on a fait une liste avec Guy Claude. Je suis très honnête, on a kiffé. Même Morgane Nagoya nous a filé un coup de fil. On a sélectionné tout ça. J'ai ramené des trucs à moi. On va vraiment. Est-ce faire qu'il y a les Turbo Cheese? Il y aura les Turbo Cheese. Il y aura même des remixes de les Turbo Cheese que tu vas kiffer. Très bien. Et si vous voulez participer à l'émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous me laissez un message sur Facebook. Koé officiel ou sur mon Instagram, Koé officiel, vous allez dans message, vous me dites j'ai envie de passer dans l'émission et comme ça je prendrai les auditeurs avec moi. Allez, pas mal, oui. Est-ce qu'il y a I like to move it, move it? Pour l'instant, non. On a fait vraiment c'est un pour mix, l'instant. Non, parce qu'on a fait. S'il me reste du temps, oui, mais on a fait vraiment un mix de là, quoi. Okay. D'accord, ok. Vraiment, vraiment, je pense que ça va vous plaire. On a Théo. Ça va, Théo? Théo, t'es pas là? Théo avec un T comme tuche. Ça va, Théo? Oui. Tu as 8 ans, mon grand. Tu habites Orléans. Est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que tu as fait ta commande au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu lui as demandé, Théo? Plein de choses. Oh. Comme quoi? Vas-y. Google Home. Ah ouais. T'as demandé une Google Home? D'accord. D'accord. Pour papa et maman. Ah oui, pour papa et c'est maman. Mignon, c'est mignon. C'est gentil, ça. Et quoi d'autre? Un veau pour mon petit frère. Un quoi pour ton petit frère? Un veau? Un jouet pour mon petit frère. Un jouet, j'ai compris. Un beau. Un beau petit frère. J'aime le veau. Quoi d'autre? Une bougie pour maman. Et pour toi, qu'est-ce que t'as demandé, mon grand? C'est bien de penser aux autres, mais toi, tu veux quoi? J'ai commandé des nerfs. Des nems? Des nems. Il aime les nems, il a commandé des nems. Les nems et le veau. On aime la bouffe dans la famille. Tes enfants, ton fils? C'est mon fils. Des nerfs, oui, ça c'est bien, les nerfs, c'est marrant. Et quoi d'autre? Et j'ai commenté la Switch. Ah, bah oui, forcément. Ah oui. Très bien. Est-ce que tu avec sais. Avec des jeux. D'accord. Oui, c'est mieux, ouais. Ok. Tu vas ruiner le Père Noël. Pompiers. Ah, quand même. C'est pas fini, c'est pas fini. Tu lui as demandé. J'espère que tu as un grand salon. Plein d'autres trucs. Et plein d'autres trucs. Des Beyblades. J'espère que des Beyblades. Ça revient, les Beyblades? Les Beyblades, c'est longtemps, c'est revenu. T'as demandé non, des... je n'aime pas. Non, c'est bon, voilà. Il n'aime pas. Bon. Bon, évidemment, ringarde. Mon fils est ringard. Mais bah, attends, il a demandé un hand spinner. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Ah, tais-toi. Toi. Écoute-moi bien, Théo. Tu vas peut-être gagner le cadeau de ton choix dans un instant. Ce sera entre quoi et quoi, Stouf? Bah, à mon avis, il a demandé une Google Home pour ses parents. Donc, Non, mais qu'est-ce qu'on a, nous? Bah, on a de la PS4, Google Home, AirPod. Dans un instant, tu auras peut-être une PS4. Ça te ferait plaisir, une PS4? C'est la Fnac. Oui. T'en as pas? Au choix. Écoute-moi bien, si jamais, mon grand, tu as les bonnes réponses, si tu as 4 bonnes réponses sur 5, tu as la PS4, d'accord? D'accord. Ça te ferait plaisir? Oui. On a posé les mêmes questions que je te pose là à ta maman ou à ton papa. Si tu réponds bien, tu gagnes. On y va, voici la première question. Quel est le plus gros défaut de ton papa? Comment s'appelle ton papa? Mon papa, Jordan. Jordan, c'est ton père ça, Jordan? Oui. Et ta maman? Cindy. Cindy, ok. Quel est le plus gros défaut de ton papa? La console. Il joue trop aux jeux vidéo. Mais vous avez déjà une console alors? Ah bah oui. Dis-moi toi, tu serais pas en train d'essayer. La PS3 il a? Tu me ferais pas un petit trafic toi? Hein, t'essaierais pas de nous gratter un cadeau pour aller le revendre derrière? Ah, c'est tombé du camion. Bon, non. C'était la bonne réponse, il joue trop aux jeux vidéo. Oh. Absolument. Deuxième question, qui dépense le plus de sous entre ton papa et ta maman? Maman. Évidemment, j'ai la bonne réponse, j'ai la bonne réponse. Bien sûr, maman. Est-ce que tu sais ce que ton papa a commandé pour Noël à ta maman? Non. Eh ben c'est vrai, j'avais également non. Il ne sait pas, c'est pas vrai. Bon, on est synchro. C'est le Père Noël qui amène les cadeaux. Bah oui. Qu'est-ce que d'abord. Tes parents t'obligent à manger mais que tu n'aimes pas du tout? Des choux. Des choux? Hein? Ils te font manger des choux? Les choux Bruxelles. C'est pas bon. Hein. Ça sent le. C'est pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Hein. Hein. Ça a une odeur de cendrier. C'est vrai. C'est pas bon ça. C'est la bonne réponse. Voici la dernière. Qui. Attention. Non, arrêtez, vous allez le troubler. On joue pour la PS4. Qui est le plus moche? Ton papa? Maman. Ou ta maman? Maman. Mais non, non, c'est non. De poser cette question. Pourquoi tu fais ça? Mais elle est moche, moche. Non. Très moche. Mais non. Elle est horrible. Elle est moche, moche. Dégueulasse. Oh non. Mais non, je suis sûre qu'elle est très jolie. On a posé la question aux parents. Les parents ont dit c'est maman aussi. La bonne réponse. Théo. Oui. C'est gagné, mon grand, la PS4. Bravo. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort et sois sage jusqu'à Noël, d'accord? Oui, je peux vous dire quelque chose? Oui. Oui, mon grand. Je vous aime très fort. Oh. Sauf Bordas. Et c'est tout? Non. Et si vous connaissez Soprano, faites-lui des gros bisous. Eh ben, je te promets, mon grand, je lui ferai des gros bisous. Écoute, on va l'écouter maintenant, d'ailleurs, Soprano. Je te fais un bisou, Théo. D'accord. Merci beaucoup. Joyeux Noël, mon grand. Je te fais un bisou. Bisous. À bientôt. À bientôt. Sois sage. Bientôt. Hein. Après, une fois que t'as tes cadeaux, tu peux foutre le bordel, mais jusqu'au 25, profil bas. Allez, restez avec nous. On est sur Énergie. Merci d'être là. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté le même. Rester franc, oui, comme ma première sacelle. Maintenant, oh, oui, oh, oui. Au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Oh, oui, oh, oui. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Na, na, na. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. Na, na, na, na. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Oh, oui, oh, oui. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé. Mais le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Des gilets jaunes avec Cobb Johnson qui était notre invité qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez la voir, je sais que ça vous fait kiffer. Moi j'adore ce garçon. Allez voir la vidéo et je crois qu'elle cartonne déjà fort, non? Oui. C'est déjà oui, bien, c'est oui, déjà oui, bien. Monsieur. On fait un bisou donc à la demoiselle de chez Marc Dorcel qui était venue nous voir.

feels like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna géant vert, ah oui, c'est le Père vrai. Noël. Vous regardez pas votre calendrier ou quoi? 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Mais est-ce qu'on se souvient encore du géant vert? Bah oui. Oui. Ça existe encore? Bien sûr. Il fait encore des boîtes de concert. Géant vert. Il fait encore, mais je crois pas. Hein, mais si. Il y a encore des pubs avec le géant vert. Je crois qu'il y a des pubs, je sais pas, mais aux enfants. Il a mis son gilet jaune. Gilet jaune. Géant vert en gilet jaune. C'est chelou au niveau des couleurs. Hein. C'est des iguales. Un magasin des iguales, t'as raison. Il y a qui dans le public? On fait le premier rang. Allez, jeune homme, t'es déjà venu toi. T'es déjà venu, en stage même. Il est sympa, lui, il est sympa. Très gentil. Il a une bonne tête. Petit jeune travailleur. Voilà. C'est quoi ton prénom? Vincent. Salut Vincent, bienvenue. À côté? Fanny. Ça va, Fanny? Bonjour, Fanny. Tout va bien, Fanny? Oui. Tu viens d'où? Savigny-sur-Orge. C'est très bien ça. À côté? Soraya. Comment ça va, Soraya? Ça va. Est-ce que la vie est belle? Ça va. Est-ce que tu es heureuse? Ça va. Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël? Ça va. Des places pour Ariana. Ariana Grande, c'est quand le concert? Le 27 août. Oh, d'accord, très plus, bien. Et tu vas les avoir, tu crois? Oui. Elle connaît personnellement le Père Noël. Tu vas les avoir? Oui. T'es sûr? Oui. Ah, c'est déjà acheté, c'est... Y a pas de... Non, sur place. Elle est énorme. Elle est géniale. Donc, tu sais où c'est bien placé ou pas? Oui. Là, ça va et mais oui. Mais c'est dans la fosse? Oui, c'est, comment... oui, c'est dans la fosse. Donc tu vas être à côté de la scène et tout? Oui. C'est génial. Tu vas être au plus près d'elle? Oui. J'ai essayé de partager ta joie là, je suis très content. Et c'est quand alors? Le 27 août. Et je penserai à toi, ça va être super. Non mais elle croit que tu vas lui offrir, je crois. Non, elle les a déjà. Mais non, mais ça faisait ça en fait. Non mais elle est contente et ça fait plaisir de voir des gens contents. Est-ce que t'as passé une belle année? Oui. Bon, je suis très content pour toi. À côté, nous avons Salma. Qu'est-ce que tu veux, Salma? Rien de spécial. Ok, moi. C'est la place de Noël, ouais. Vous savez, pour Noël, je pense à la fin dans le monde, je prendrai un verre d'eau. Voilà, je mangerai 2 grains de quinoa et on s'arrêtera là. Faut pas y aller trop loin. Elle est plus modérée que sa copine. Hein, c'est clair. Tu veux rien? T'as rien demandé? Je fête pas, en fait, donc. Ah, dans la famille, on fête pas Noël? Non. Ah, mais on pourrait ne pas fêter Noël de façon religieuse et se faire un petit cadeau comme ça en loose day. Parce que le Père Noël, il est plus. Père Noël, il est pas... Le Père Noël n'est pas religieux, je vous rappelle. Hein. Non. Il boit du Coca-Cola là-bas. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il a rien de religieux, le petit Jésus, tout ça, c'est catholique. Ouais, mais le Père Noël, fouetter des rennes, ça n'a jamais été dans la Bible. T'as jamais vu l'histoire de Jésus où on te dit d'ailleurs, il y a un gros en rouge qui a amené des trucs. Ça n'existe pas dans la vie de Jésus. À côté? Maïssa. Ça va toi? Oui, toi. T'as demandé quoi pour Noël? De me faire une nouvelle chambre. Ouais, c'est tout. Ouais, bien, c'est bien. C'est tout, je veux une chambre, d'accord. Je veux une chambre. À côté, qu'est-ce que t'as demandé, mon grand? Pour Noël, j'ai demandé des jeux Switch. Ouais. Switch, bon plan, ça, bon plan. À côté, t'as demandé quoi? Une enceinte Bluetooth. Ok, super, pour écouter la musique dans ton coin et bien faire chier tes parents. Ouais, super, bien à fond. Ah ouais, parce que généralement, ils n'écoutent pas à niveau sonore faible. Hein. Non. C'est marrant, hein? C'est à balle. Bien fort. Et à côté? Une Xbox One S. Ah ok, très bien, ok, t'as raison toi. Lui il prend la taille au-dessus, il y va, il prend des... Et puis je veux la télé plate avec, s'il vous plaît. Virginie habite Reims, elle va balancer son mari dans le balance ton pote. Ça va, Virginie? Oui, ça va, quoi, et toi? Bienvenue ma belle, ça va très bien. Virginie donc n'en a rien à foutre de balancer son mec. Puisque son mec arnaque les magasins de bricolage, il faut que tu m'expliques ce qu'il fait. Écoute, quand on va dans les magasins de bricolage, spécialement le Castorama de Tilloy, qui est à côté de chez nous, en fait, ils retirent des ampoules, par exemple, des emballages, et ils passent à la caisse en disant « Ah non, mais celle-ci, elle vient de chez moi, c'était pour pas me tromper dans le... » Oh, dans bien. La référence, tu pas vois, mal la technique. Parquet. Non, mais je te jure, il m'a fait ça avec du parquet. Mais comment il a refait fait... mes toilettes avec du parquet qu'on n'a pas payé. C'est mal. C'est mal, oui. Mais tu devrais être contente. Tu devrais être super contente en fait. T'as rien payé. Bah oui, mais attends, excuse-moi, je voudrais juste comprendre. Non, mais attends, je voudrais comprendre. Tu peux sortir une ampoule en disant que tu l'avais avec toi. Mais des lattes entières de parquet de 2m80, comment tu peux dire que t'es rentré avec? Mais non, c'est des petites, elles sont plus petites. Ouais, mais il y en a plusieurs. Ouais, il en prend qu'une et il le fait plusieurs fois. Mais non, mais il a déloté. Il passe avec l'air de rien en se disant bah non, c'est parce que je cherchais la même, je sais plus, le râle. Il est fort. Ah, c'est énorme, ça. C'est avec tout, tu sais. Il est fort. Il va sortir avec une cabine de douche. Non, mais je venais pour voir. C'est la mienne. Je venais pour voir, c'est la mienne. Je suis lui avec ma cabine de douche. J'aimerais bien que ça s'arrête là. Dans un instant, ma chérie, nous allons appeler ton mec et on va lui dire que je suis le responsable de la sécu. On fait ça, ça vous va? Ouais, Lavinias. Hein, je suis Thierry Lavinias, responsable de la sécurité, tant à énergie que dans ces magasins-là. On s'en occupe dans un instant, ne bougez pas. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 17h, 20h. Nous sommes tous là sur Énergie, merci d'être avec nous tous les soirs, 17h, 20h encore, merci pour le prix du divertissement de l'année, merci d'être très nombreux à nous écouter, vous êtes plus d'1 624 000 à nous écouter, ça nous fait très plaisir. Et on est à 400 de 654 000 sur mon Instagram. Ouais, exactement. C'est ça, il faut qu'on les passe ce soir. Tu veux lancer un défi ou pas? Non, plus de défi. Attends, 400 personnes? 400 personnes, faut qu'on les fasse. Suivez-moi sur Instagram, les amis. Donc, vous allez, c'est Coé officiel. Si vous ne me suivez pas jusque-là, suivez-moi. Vous verrez de magnifiques vidéos. Ah, il faut que je vende le produit. Magnifiques vidéos que nous faisons nues dans les couloirs d'énergie. Oui, dès qu'il y a Big Flo et Oli, ils sont nus. Dès qu'il y a Kenji, ils sont nus. Ça s'appelle Naked Instagram. Donc, vous avez. J'essaie de le vendre le mieux possible. Hein. Il y a. Comment elle s'appelle la mannequin que vous suivez tout le temps là, Emilie Ratajkowski. Qui vient prendre un café nu aussi. Très régulièrement. Très régulièrement. Ouais. Kardashian qui vient mais habillée, ça la change d'habitude. Voilà, donc, c'est l'originalité. Elle fait, oh, je porte des vêtements, je reviens pas. Donc combien on est? Il en manque 400, 600 400, allez, 415 là. 400, donc il en manque 600. Ouais, c'est ça. Suivez-moi sur Instagram. C'est faisable en une heure. Oui. Hein. Je pense que c'est faisable. 600 personnes, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est faisable. Bah, surtout si tu dis que tu mets une photo de toi. Non, arrêtez, comme j'ai pas dit ça. Non, mais c'est surtout pour les stories, des coulisses. Ah, les coulisses de l'émission, vous voulez voir tout ce qu'on fait. Voilà, et on fait que des trucs pas très intelligents, donc ça devrait vous aider. Allez voir les stories, vous verrez la CGT avec Coé. CGT j'ai raté le Coé président. Je voulais vous le prendre. Et puis en même temps, ils étaient 300. Je dis, les gars, vous pouvez le refaire. Et j'ai manqué de couilles. Oui, j'ai manqué de ce truc à ce moment. Je vais être honnête avec vous. Hein. J'ai manqué des deux petites bouliches à ce moment-là qui consistent à dire, les gars, vous pouvez crier plus mon nom pour encore une fois. Voilà, c'est pas sorti. Plus que 500 là, plus que 500. Allez, non, moi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? 400, ah, c'est plus que 500. Ah, c'est plus que 500. Pourquoi il tourne 8 fois sur lui-même pour mettre un chiffre? Je sais pas, parce que. Et qu'il y a une personne qui arrive, tu sais, j'ai l'impression que c'est des trucs dans les casinos. C'est exactement qui ça. Font. 20 centimes. Okay, super. Merci. J'ai cru la dernière fois. C'est le truc, il a fait du bruit, je suis sûr, ça a réveillé le quartier, j'avais gagné rien du tout. On a Virginie de Reims. Ah. Son mec pique des ampoules et des plaques de parquet dans le magasin Castorama. En toute discrétion. Bien sûr, oui, parce qu'il ne s'est pas fait gauler. Non. Donc, je suis le responsable de la sécu, je l'appelle. On est d'accord? Allez. Oui. Comment s'appelle ton mec? Il s'appelle Xavier. On est parti. Est-ce que tu pourrais lui mettre un avertissement? Oui, Cyril Avignon, il met des avertissements tout le temps, bien sûr. Attention. Tout le monde peut rire, sauf Bichette. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir Thierry Lavignas, responsable sécurité Castorama de Tilloy. Oui. Bonsoir monsieur, oui, bonsoir monsieur, vous êtes client chez nous apparemment. Oui, je viens de temps en temps. Oui. Voilà, vous faites partie de nos clients fidèles. À ce que je vois. Vous, vous venez régulièrement monsieur. Oui, quelques fois dans la semaine. Voilà, absolument. Vous donc régulièrement, ce que j'appelle très régulièrement, monsieur. Oui. Voilà. Vous venez régulièrement avec des objets de chez vous pour comparer dans le magasin, je crois. Hein. Bah, ça m'arrive, pour avoir le modèle pour trouver, pour le remplacer, quoi. Absolument. D'accord. Très bien. Donc pour les remplacer. Très bien. Pourquoi parce que vous savez peut-être pourquoi je vous appelle, monsieur. Bah non, je suis un peu surpris. Vous êtes surpris. Parce que pourquoi nous retrouvons les emballages planqués sous les rayons, monsieur? Bah je sais pas. Quels emballages? Les emballages, monsieur. Après votre passage, bizarrement, on en trouve des emballages vides. Ah bon? Mm-hmm. Bah je sais pas, non. Monsieur, il y a un concept tout nouveau qui vient de sortir qui s'appelle les caméras de surveillance, monsieur, vous le saviez ou pas? Ben oui, il y en a un peu partout, oui. Il n'y en a pas un peu partout, monsieur, il y en a partout. Ouais, si, oui, enfin, il y en a, ça existe. Oui, non, c'est pas il y en a, ça existe, monsieur. Il y en a, parce qu'il y en a, ça existe déjà, ça ne veut rien dire. Donc, il y en a, je vous le confirme, c'est moi qui les ai gérés. Il y en a exactement 88 dans le magasin, monsieur. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Donc, je vous pose une question, monsieur, est-ce que vous n'avez pas honte? Bah, je sais pas où. Monsieur, je suis au courant. Donc, on va pas tergiverser 1000 fois, 1000 ans non plus. Voilà. Dites que oui, vous prenez les objets dans les rayons, vous jetez l'emballage et vous ressortez avec les objets neufs. Nous le savons, monsieur. Ça m'est peut-être arrivé une fois. Alors, monsieur, attendez, je vérifie sur mon ordinateur. Monsieur, donc, nous allons envoyer une équipe chez vous, monsieur, récupérer ce que vous avez déjà volé. 10 ampoules LED à filament. 10? Oh non. 10, monsieur. Et surtout, 7,5 mètres carrés de parquet stratifié, gris vintage. Ah, même le parquet, d'accord. Oui. Enfin, je. Ah, oui, la mémoire revient. C'est... Oui. On va pas aller le chercher de loin, là, monsieur. Hein. C'est oui, c'est non, c'est. Ah, ça fait beaucoup quand même. Combien vous avez dit de. 7,5 mètres carrés, monsieur, de parquet stratifié gris vintage. Il vous dit quelque chose, vous savez, celui qui est chez lui, chez vous, pardon. Oui, enfin bon, d'accord. Je reconnais. C'est vrai que le parquet, c'était un peu tentant. Il était déjà un petit peu ouvert, l'emballage. Donc, ok, donc monsieur, alors monsieur, à vous, c'était tentant. Voilà, donc vous avouez, monsieur. Bah oui, si vous avez la vidéo, je peux pas. C'est du vol, monsieur. C'est du vol caractérisé. Donc les équipes vont venir chez vous récupérer les ampoules. Bah, je sais pas, on peut peut-être s'arranger. Et ils vont venir arracher les 7 mètres carrés de parquet stratifié. Il est posé. Eh bien, monsieur, on va le déposer. Voilà, il n'y a pas de solution. C'est comme ça. On en profitera pour procéder à des vérifications. Si ça vous dérange pas, maintenant que vous avez avoué, au cas où on serait passé à côté d'autre chose, il y a peut-être autre chose à déclarer. Non, je crois pas, non. Bon, alors je vais vous demander les factures, monsieur, de vos rideaux, salon, salle à manger, cuisine et chambre. Facture des plaintes, de la robinetterie, des interrupteurs de chaque pièce. Ouais, bon, vous comprenez, c'était tentant quand même. Il y a des choses qui étaient à moitié ouvertes. Ouais, ça c'est pour le parquet. Il y a eu d'autres choses ? Non, je ne crois pas. Interrupteur, monsieur ? Je viens tellement souvent, j'ai toujours... vous savez, on a une ampoule un peu abîmée, on l'échange, des fois on se trompe, on a repris la bonne. Et puis oui, on bien a sûr, monsieur, la mauvaise. Monsieur, on ne se trompe pas 10 fois de suite. Le papier peint, vous avez la facture ? Sinon, on le décolle. Le papier peint, je ne me souviens plus, moi. Monsieur, vous me ressortez les factures. On ira jeter un coup d'œil dans le jardin, monsieur. Vous avez un jardin ? Oui, j'ai un petit jardin. Voilà, au cas où vous auriez piqué des pelles ou une tondeuse à gazon, on va vérifier ça, monsieur. Non. Quoi ? Vous avez j'ai du mal à le dire. Vous avez piqué 7 mètres carrés de parquet, monsieur. C'est du jamais vu. De toute l'histoire du magasin Castorama, du jamais vu, monsieur. J'ai jamais vu ça. Je suis là depuis 10 ans, monsieur. Laissez-moi finir. 10 ans. Oui. Jamais vu ça. 17 mètres carrés de parquet. Ah, il était beau quand même aussi, il faut dire. C'est pas comme ça que. Alors, donc. Je suis prêt à annuler la faute, monsieur. Ah, on peut s'arranger peut-être. Il y a peut-être moyen de. Si vous nous faites la promo du magasin, alors ouais. Je vous enregistre. On enregistre, les gars, là. C'est bon. Ok, je vous demanderai donc de nous chanter. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Casto, Castorama. On y va. Il y a une musique, quelque chose. Non, il n'y a pas de musique, monsieur. C'est comme ça, Acapulco. C'est quoi ? C'est chez Casto. Il y a tout ce qu'il faut. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Ah, je me souviens plus. C'est outils et matériaux. Outils et matériaux chez Casto. Rama. Bon. On y retourne ? Allez-y. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Monsieur, il y a une ligne de texte. Monsieur, il y a une ligne de texte. Vous allez vous en sortir. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Point. Ouais. Outils et matériaux. Casto, Castorama. Alors, c'est pas non plus. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux, il y a tout ce qu'il faut. Casto. Une ligne de texte. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Écoutez-moi, parce que vous parlez en même temps, ça vous bloque les oreilles. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Casto, Castorama. Rajoutez pas de texte, monsieur, n'improvisez pas. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux, il y a tout ce qu'il faut, c'est ça ? C'est ça. Un enfant de 3 ans saurait le faire. Hein. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux, Casto, Castorama. 3 fois, on y va. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils, matériaux, Casto, Castorama. Il chante pas, on est d'accord. Il chante pas. Bon, on va aller lui défoncer son parquet. Bon, il a pas l'air. Non, on va aller te reprendre le parquet, tu vas moins faire le malin. On va faire un karaoké. Donc, le gars. il est d'une patience. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Je te présente Virginie, c'est ta femme, tu peux lui faire un bisou, Xavier. On est sur Énergie, je m'appelle tout. Casto, on les embrasse, on l'a chanté 10 fois ce jingle. Ah ouais. Oh, en même temps, c'est vrai, c'est plus bête. C'était dans le coup en plus. Ouais, non, pas dans le coup du vol, ça c'est toi seul. Hein, mais non, oui, je suis pour rien. Hein. Bisous les dents, vous embrasse. Des AirPods pour Virginie, c'est ça ? Oh, très bien. Merci. On les a volés chez Darty. Non, mais non. 653 629. Ouais, c'est 350, ça. Suivez-moi sur Instagram. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça, Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'ai vu, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux, yeah. Bébé, tu es le mien.

Oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask you. You got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Est-ce que vous savez, ça y est, est-ce que vous savez tous où est-ce que vous allez faire Noël, toute l'équipe? Oui, c'est important. Bah oui, bah oui. Eh, frérot, ouais. C'est un sacré tardin, le gars a remporté le divertissement de l'année à la radio. Mais oui, non, attends, Thierry. Eh, heureusement que tu fais pas de la télé, tu m'aurais tout piqué. Et je te griffe, je suis trop content pour l'équipe. Bico, je l'adore. Merci. C'est bon, bonbon. Bordas, il est con. Je l'adore. Bichette. Une pépite. Les gars, félicitations. Et faites pas de la télé, sinon je suis dans la merde, les gars. Merci Cyril. Merci Cyril, c'est toujours gentil. Hein. Merci, ouais. Un petit mot comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon? Les messages d'auditeurs. On va avoir les messages d'auditeurs. On va jouer. Donc, je disais, pour Noël. Alors, on va pas être coupé, après, je dis vos messages. Noël, Miko. Chez ma sœur. En fait. Très bien. Comment va Anouchka? Elle va bien. C'est une maman, tu sais, maintenant. Et alors tu arrêtes ton œil lubrique, là. D'abord, je n'ai pas fait mon œil lubrique. J'ai fait les deux. Oui, t'as fait les deux. Alors, tu me les ouvres bien comme il faut. J'ai fait le regard de séducteur, comme dans Jumanji. Ouais, le regard bleu acier. Avec la musique qui se déclenche quand je le fais, pas avant. Demande-moi le regard séducteur. Fais-moi le regard séducteur. C'est très radiophonique. Et voilà, tu vois, ça s'arrête net. Souffle, demande-le-moi. Fais-moi ton regard séducteur. C'est la musique qui se déclenche avec. Mais la même. Essaye de mettre la même. Mais c'est marrant. Ouais, je voulais que... changer. Mais non, le gag, c'est que tu mettes oui, toujours la même. Que... Oh là là, c'est con. Hey, l'humour, c'est nous, les boutons, c'est toi. D'accord. Ah, donc j'ai pas du bon non plus. Hein, j'ai pas du bon non plus. Avec lui, t'as d'accord. Pas très le même, bien. Visiblement. Mais c'est marrant parce que t'as ton regard de séducteur quand t'essayes de lire aussi. Oui, oui. Ouais. C'est le même. J'essaie de séduire avec le bras qui s'allonge. Bon, tu feras un bisou à ta sœur. Elle est gentille, elle est adorable. C'est tout. Noël. En famille. Le 24. Oui. 24-25. Voilà, tout à fait. Chez qui? Chez mes grands-parents. D'accord, c'est eux qui font à manger ? Oui. D'accord, c'est mamie, elle cuisine quoi ? Alors là, j'en sais rien, elle cuisine ce qu'elle mais veut. Mais à peu près, généralement, les gens d'un certain âge cuisinent toujours la même chose. Non, mais c'est la dinde. Voilà, oui, t'as de la dinde, t'as foie gras, escargot, huîtres. Enfin, c'est long. Ah, c'est bah oui, c'est pareil. Terre et mer. Hein. Voilà, et comme j'aime, à la fin. On prend le tout. Voilà, c'est très très long. Tu manges tout ça ? Tu bouffes tout non, ça ? Non, je mange pas tout ça. Moi, je suis plus capable de manger elle ça. A, elle a le trou normand, entre temps. J'ai le trou normand. Oui, bah, je le connaissais pas à ce point-là. C'est mais, corrigé, mais je ne savais pas qu'elle avait le trou normand. Je savais pas qu'il était normand. Je savais qu'il était discret, il était réservé. Il y a une pomme dedans. Est-ce que vous connaissez le trou normand de Stouff ? C'est bon, on a compris. On va faire une heure là-dessus. Ça va, les vannes ont été faites. Oh là là, le trou normand. Allez, c'est bon. Dichet. En famille, en Bretagne. En Bretagne. Avec la tante et tout le monde. Et qui fait à manger ? Ah, ma tante. D'accord, elle fait du bien à manger. Oui, mais si vous avez... non, mais, oui, c'est bien. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris le pouvoir de cette émission. Cette émission, divertissement de l'année, oui. Cyril. Hein, divertissement de l'année, quand même. Divertissement de... Ouais, les frérots, c'est ça, divertissement de l'année, ah. Les gars. Hey, c'est pas de la daube. Si vous, à un moment donné, vous avez une demande particulière, un message à passer à vos ouais. familles, faites-le. Ouais. Comme ça, vous le faites. Moi, je passe mes journées à faire ça. Je fais des vannes, les gens ils disent il est marrant, mais non, je passe des messages. T'as raison, il faut. Voilà, faut, oui. Donc, s'il y a un plat que vous ne voulez pas avoir pour la 20e année de suite ou la 10e année de suite, dites-le maintenant. Ah, alors je fais passer un message. Papa, Julio Iglesias, j'en peux plus. Voilà. Stop, stop, parce que chaque année, je n'en peux plus. Moi, pareil. J'avais mon ex, belle famille, j'avais droit au chant de Noël, je te jure, j'ai pris le CD une fois, je l'ai pété. Jacques Lantier. C'est la nuit dimanche. C'est vrai, ma jolie maman. Mais, oh, c'est horrible, c'est glauque. Oh, alors lui, alors lui. Non, lui écoutez ça. Les plus jeunes. Vous avez encore ça, les plus jeunes, on vous met ça ? Nous, on est encore, mon côté. Tino Rossi. Ah, vas-y, coupe. Jacques Lantier. Tu connais cette chanson, mon grand ? Oui. Tu la mets encore, ils te la mettent tes parents ? Non. D'où tu la connais alors ? Parce que j'ai déjà joué en concert. Ah, tu l'as déjà joué en concert, petit papa Noël ? Mais qu'est-ce que tu fais comme musique ? Toi, tu fais pas du hard rock ? En concert, tu joues quoi comme un instrument ? De la trompette. Ah merde ! Ah, ouais. Ah désolé. Viens me checker, j'ai fait le même instrument de merde que toi. Viens. Oh, quel instrument pourri, mon grand. Hein. C'est bien, faut qu'on parle tous les deux. C'est tes parents qui t'ont obligé à jouer de la trompette ? Non. C'est toi ? Oui. Mais c'est lui qui veut ! Mais qu'est-ce qui se passe, Laurent Romeshko ? Il y a une personne âgée là-dedans ? Pourquoi t'as pris de la trompette ? Pourquoi t'as pas pris de la guitare ? Ou de la batterie, c'est bien. Pourquoi de la trompette ? Parce que la mienne. Ah ouais, d'accord. Ça lui plaît. C'est une bonne assez bonne réponse. Va t'asseoir. Et cette chanson, remets-la, que la déprime. Regarde. C'est la belle nuit de Noël. Moi, j'ai eu le droit quand j'étais petit. Oh, ça va. Avec un truc, il peut plus chanter. Tu peux plus chanter à genoux les petits enfants. Non. Ça passe plus. Oh, la déprime, on dirait qu'il est mort le Père Noël. On dirait qu'il est mort et que c'est son enterrement. On dirait l'enterrement de Johnny. La tristesse du morceau. Ah, c'est vieux. Il roule les airs. Sous droit du ciel. Avec des jouets par milliers. N'oublie pas. Mon petit soulier. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute une PS4 dans un petit soulier, sans déconner. Le gamin il a demandé une PS1, tu la vois là, tu la vois une Xbox One dans le soulier. Allez, tu vas rentrer dans le soulier. Mais ça c'était l'époque où elle prend une orange, une mandarine, joyeux Noël. Mais non. Excuse-moi, j'ai pas des souliers, j'ai des skate-bas. Dans un instant nous parlerons d'un truc sur les animaux. Voilà, je vous expliquerai. Vous avez des petits problèmes relationnels avec votre chien ou votre animal dans quelques minutes. Ah toi, c'est avec ton chat ? Avec mon chat. Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise ? Il accepte pas que les femmes viennent chez moi. Ça tombe bien, elles viennent pas. Dans un instant. Voilà. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. bitches. Vient de tomber. Quoi ? La députée déjà tout à l'heure avec Azébolos à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos. J'en ai une autre. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai une autre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Didier Deschamps. Oui. Il a fait gagner la France. Oui. Et ben il a refait les dents. Fais voir ? Non. C'est pas vrai. Ben visiblement, là j'ai l'impression que là il y a. C'est pas un montage ? Là j'ai l'impression. Je sais pas les amis, j'ai l'impression que là il y a une série de. C'est pas du Photoshop pour la. Ah, ça change hein. Combien vous voulez de dents comme les étoiles ? Deux. Deux grosses dents. Deux très grandes. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Quand je serai champion du monde, je rajouterai une dent. Dans 40 ans, j'aurai une dentition à peu près normale. Ah bah oui, c'est vrai. Non, bon, il peut. Ouais, bon, il fallait, c'est vrai. Il fait devenir une priorité nationale. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu l'as tellement charrié. Moi, j'ai une dent cassée. Il m'en manque aussi. Il en avait marre de t'entendre. Il n'en pouvait plus à cause de toi. En plus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que moi, voilà, moi aussi, il m'en manque tout. Mais c'est pas grave. Ah bah, ouais, c'est pas pareil. Mais il a raison. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est vrai qu'il était temps qu'il les refasse. Il y a une photo là de. Il était temps. Quelques messages avant qu'on parle des chiens. Il y a des mecs. Il y a un petit père qui m'a envoyé un message. Il me dit Coucoué. J'ai entendu que tu aimais les fêtes de Noël. Moi aussi, la preuve en photo, le mec, écoutez-moi bien, c'est pas une maison. Je crois que même le Père Noël, sa maison est moins décorée que ça. Wow. Et chez lui, il n'a pas un sapin de Noël, il n'a pas deux sapins de Noël, il a trois sapins de Noël côte à côte. Mais quel intérêt ? Il aime Noël. Je pense qu'il a un chat, le chat il devient ouf. Il est comme ça, il dit sur lequel je vais sauter ! C'est un parc d'attractions. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il doit payer une note d'électricité de ouf. Mais Héloïse qui me dit hashtag bananier. Ah ouais, j'ai passé un message. Ah ouais, j'ai vu ça sur Instagram. Non mais, on a un schisme là-dessus avec Jeff. Il est triste ton je bananier. Je me suis fait livrer deux bananiers oui, chez moi. Oui, je suis d'accord. Il est en train de crever, mais comme il faut, les trucs, il est mort, il ne reste plus que le tronc. Il va reprendre. C'est normal, Jeff, c'est normal. Me dit... C'est normal. Je n'ai jamais vu un bananier pourrir comme ça, qu'il soit normal. Non, mais, il est mort. Non, mais après, ça dépend des endroits où tu l'as. Chez toi, il y a chauffage au sol et tout, c'est normal. Tu vas voir qu'au printemps, il va revenir. Il y a chauffage au sol, il n'y a pas de chauffage au sol. Je l'ai mis contre la fenêtre pour qu'il ait du jour. Je l'ai mis pour qu'il soit bien. Il n'est pas à côté d'un chauffage. Il n'est pas trop arrosé. J'ai fait venir les mecs pour qu'ils se mettent un pot plus grand pour que le bananier se sente mieux. Putain, plus il a d'espace, plus il ira bougri le truc. Mais parce que t'envoies des. Tu lui parles à ton bananier ? Je me suis fait livrer une merde. Les mecs, ils m'ont filé une merde qui est complètement pourrie. Une merde, ils m'ont dit Coé, on va lui refouler une saloperie, elle est malade. Parle-lui. Le truc, il est dégueulasse, il est en train d'être rabougri et on me dit c'est normal. Mais d'où c'est normal d'avoir un bananier pourri ? Mais tu veux interagir sur les saisons. Mais c'est pas je veux interagir, c'est qu'à un moment donné. J'ai jamais vu un bananier qui mais est complètement si, moi, fané mien, au sol. Le mien, il fane tous les ans, il reprend. Regarde au milieu, il y a du nouveau qui pousse. Non, il n'y a que dalle qui pousse, j'ai envoyé une photo. Demande à nos auditeurs jardiniers qui nous appellent. Mais vous êtes jardinier, bien sûr. Vous êtes jardinier. Parce que moi, non, vous savez pourquoi ? Parce qu'en plus, j'aime les plantes et ça me désole de voir ce truc en train de mourir. C'est très chiant, un bananier, ça n'est pas l'intérieur. Bananier, c'est une plante tropicale, mais, ça mais dort. Une plante tropicale dans mais, Paris mais... sur une terrasse, d'où tu veux qu'elle tienne, mec. Fais moins deux, mec. Mais il est malade, donc tu mets pas de bananier du tout. Ah, d'accord, donc les mais bananiers, toi, tu les détruis de la planète. Faut mais pas non, que ça existe, ni dehors, ni toutes dedans. Toutes les plantes vertes qui vont chez toi, tu veux pas parce que ça fait sécurité sociale, tu m'as dit. Donc il n'y a plus que ça, quoi. Il a dit ça. Il a dit ça. Ah oui, une plante verte. Donc au bout d'un moment, il restait que le bananier et le cactus. C'est une Josiane de la Conta avec une plante verte. Ah, j'aime bien les plantes, mais pas verte. Ah, c'est con. Et pas morte non plus. Ils font des belles fosses. Achète des fleurs sinon. Non, je vous assure. Non, pas les fosses, non. Je vais essayer de régler ce problème. Des fleurs, des cimetières. Je vais essayer de régler ce problème, ça me rend ouf. J'ai un bananier qui est en train de mourir. Et donc la demoiselle, elle a envoyé ce truc-là. Elle dit bref, histoire triste. Il était une fois une plante, et puis on me l'a offerte. Ok, donc ça veut dire que j'ai pas la main verte. Mais pas du tout. Je fais tout pour satisfaire cette plante, je sais plus quoi faire. Ils m'ont niqué les vendeurs. Ils m'ont niqué les vendeurs de plantes là. Ah oui, il y a des fausses plantes. Ils m'ont niqué, ils m'ont filé la truc qui est sous le camion là, qui a pas vu de lumière depuis 6 mois. On dit qu'il connaît rien, on va lui donner. Et après on va lui dire que c'est de sa faute. Ça m'a coûté déjà une fortune en pot. Justement, à ce prix là, c'est du bon. J'ai l'impression d'avoir acheté un poisson rouge. T'achètes un poisson rouge, ça vaut 20 centimes un poisson rouge, ça vaut rien. Tous les accessoires autour, on a pour 3 000 euros. T'as déjà fait des bananes une fois ? Ça, le poisson rouge, c'est la plus grosse sodomie au harpon du monde. T'achètes un truc grand comme ça. J'ai pris une image aquatique. C'est Aquaman. T'achètes un truc grand comme ça et les mecs disent ah bah il s'ennuie, il faut lui mettre la pompe. Ah bah il s'ennuie, il faut lui mettre le galion. Ah bah un galion en plus. Sans déconner, tu mets un galion dans le fond d'un aquarium. Tu crois que le poisson il a déjà vu un galion? Tu crois que le poisson il dit oh putain, ça me rappelle la maison. Nous on se fait chier à lui mettre un truc en disant hey, il va se sentir chez lui. Tu vois, mais non, il a jamais vu ça de sa vie le truc. Et quand tu sais qu'en plus il a une mémoire tampon de 1 seconde. Mais c'est ça. Comment tu veux qu'il se souvienne de chez lui alors qu'il a une mémoire de 10 secondes? Parce que là il se balade, il fait oh un galion. Un galion. Ah non mais voilà. Et on achète nous le galion qui fait des bulles. Et le petit bonhomme, ils te vendent le petit bonhomme genre commandant Cousteau qui fait des bulles. Tu vois, et toi tu le mets dans le front, t'as vu, tu trouves ça beau. Et lui c'est pas ce que c'est, hein. Mais les bulles c'est pour aérer l'eau. Ah bon, tu crois? Ouais, je crois que c'est pour faire, j'ai pas compris. C'est pas pour faire joli. Anthony me dit un grand bravo à Koé et toute sa joyeuse équipe. Donc vous êtes tous écrits pour le divertissement. C'est gentil. Ah c'est gentil, ça fait plaisir. Message de Lucas. Bravo mon coco, c'est largement mérité. À chaque fois que tu te lances dans une nouvelle tranche horaire, c'est un succès. La preuve avec les sondages et ce trophée. Bravo à toute l'équipe. Merci, bravo à vous. Parce que nous, vous savez, on fait pas grand chose, on essaie de vous amuser. Et vous, vous êtes là à chaque fois au rendez-vous. Et ça nous fait très plaisir que vous soyez là sur Énergie. Hugo dit, Koé, est-ce que tu seras là au salon de la radio en espérant te voir? Je ne suis pas de Paris, ça serait cool de te voir. Je ne sais pas, parce que c'est peut-être un week-end où je vais devoir bouger. Donc pour l'instant, je ne sais pas, mais si je suis là pour le salon de la radio, oui, je passerai, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont passionnés de radio, qui vont dans ce salon, donc j'essaierai. Il y a Kevin qui dit un petit message pour mon anniv. Et le mot magique, c'est pour ta mère. Joyeux anniversaire. Ah, s'il te plaît, il est où? Non, mais un mot. Message de Simon Daniel. Skoé, dis-moi la musique que tu mets en fond quand tu fais les top 50, c'est quoi? Ah, c'est une musique de ouf, elle s'appelle la musique du top 50. C'est, ah, c'est là le conflit de génération. Bah, c'est les jeunes qui connaissent pas. Y en a qui connaissent, mais... C'était une vieille émission de télé. Salut les petits clous, cette semaine il a perdu 40 places. C'était énorme. Ouais, c'était avec les années on trouve ça bien, mais c'était moyen quand même. Ah ça, c'était la première émission de classement. Dans un instant, on va le faire le truc sur les chiens un jour ou pas? Peut-être. On est là, on repousse, mais oui. C'est bananier ou chien? Ouais, moi j'ai toujours pas compris pourquoi ton bananier est devenu jaune. Je te remercie. Je ne sais pas non plus. Il est pas jaune, il est rabougri. Les plantes, les plantes jaune marron. Les feuilles, tu les prends, elles font. Non mais c'est peut-être juste chez toi quoi. Ailleurs, il est peut-être bien. Écoute-moi bien, toi. Non, mais je te jure, dès qu'on a un truc chez toi, il meurt. Je me suis fait revendre. J'ose plus. Ne m'invite jamais chez toi. Dans un instant, il y a un truc qui permet de. Si vos chiens se font victimiser par d'autres chiens. Oui. Par exemple, vous voyez le chien, votre chien, il est comme ça. Il y a toujours un chien qui vient le faire chier, puis il est comme ça, il est. On vient le racketter. C'est dur de racketter un chien. Si tu vois ton chien qui donne son collier, par exemple. Il se fait bizuter. Eh bien, il y a une école. On essaiera de les appeler dans un instant. Mais avant tout, la flash spéciale, Christelle, horticultrice. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mon bananier, Christelle? Bonsoir Koé, bonsoir l'équipe. Bonsoir ma Christelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça se met à l'extérieur un bananier, ça se met en pleine terre. Donc, et pour l'hiver, même quand il gèle, ça reste dehors avec un P17 ou un voile d'hivernage et ça n'est en aucun cas. Pourquoi il me l'a installé à l'intérieur, l'autre con? C'est toi qui l'as demandé! C'est un gros con! Bah oui, c'est un gros con! Merci Christelle! Le bananier, il m'a envoyé la photo! Mais je les ai, je sors! Mais tu proposes pas un bananier à l'intérieur si c'est fait pour aller à l'extérieur! Où sont les photos? Christelle, on est d'accord, un bon horticulteur? On est d'accord, Koé, mais oui, mais franchement, c'est du n'importe quoi! Vas-y, passe-le-moi parce que je vais m'énerver! Christelle, dans un instant, on va régler le problème. Trouve